en écriture. Le seul hic prévu pour le moment, eh bien, c'est que vu les dimensions de la chose, Samsung prévoit de souder ce disque dur sur la carte mère, ce qui sera problématique si on souhaite en changer ou alors s'il tombe en panne. Mais pas très étonnant vu la volonté à peine cachée des constructeurs informatiques de nous obliger à changer de matériel le plus souvent possible. Belle journée. Jackie réveille la réunion. Et puisqu'on parle de réseau social, Prisca Molécial a fini de mettre la vidéo du gâteau de pommes de thé API sur le site internet de Réunion Première. D'ailleurs, gâteau de pommes de thé API, c'est le mot de passe. Hein. Chaque matin, Prisca se rend sur les marchés. Aujourd'hui, elle se trouve dans un bazar de proximité à Sainte-Clotilde. Elle y a rencontré Rambo et puis Yannick, hein, propose des effets gâteau pommes de thé à grand matin. Si Zatigain rejoint Prisca aux alentours de 9h50, entre 9h50 et 10h30 sur Réunion Première, Zati repart avec un panier garni. Voilà, voilà. Yves Gruyer sera avec nous dans moins de 5 minutes hein, sur Réunion Première pour un nouveau point sur le trafic. Et le journal de 8h sera présenté par Cécile Thomas. Oh, oh, oh. Oh. Les yeux plus gros que le monde. Ah, ben oui, voyons. Docteur Berry's. Ouais. Big Black. Ah, ouais. Et on disait qu'il avait trop de tir et qu'il vendait du rêve aux ladies. Et pour lui, personne se faisait de pire. Pas besoin de cogiter ta diatilité. Quand il chantait, il faisait la dip. Et avec ses mélodies, on oubliait la crise. Pour ne pas se prendre la tête, disait ainsi soit-il. Pas besoin de cogiter ta diatilité. Depuis Wattie, comment leur dire que c'est moi le king, c'est moi qui vous dicte le chapitre. Rêveur, on me dit je suis chez père, mais le Big Black aime il a ses pairs. Et on dit que la chute elle est sévère, mais le débrouillard il sait faire. J'ai le sang du daron de la Guinée, tout comme j'ai le sang d'un rappeur qui s'est kické. Je me fous de vos idoles qu'un riz, ce n'est pas eux qui me donnent le marot. Je suis pas dans les délires, elle est quand le soleil frappe, je suis plutôt Maroc. Gros son pour les refrains, il faut que tout le monde chante mon refrain. Et on disait qu'il avait trop de tir et qu'il vendait du rêve aux ladies. Et pour lui, personne se faisait de pire. Pas besoin de cogiter ta diatilité. Quand il chantait, il faisait la dip. Et avec ses mélodies, on oubliait la crise. Pour ne pas se prendre la tête, disait ainsi soit-il. Pas besoin de cogiter ta diatilité. Sans pour autant vouloir être mauvais, m'en voulais pas d'avoir innové. Oh, tous vos sons me donnent la nausée. J'étais au dieu car souvent posé. Je voulais que personne vienne me causer. Je voulais juste dream et me sauver. Fuck l'intérim, je préférais chômer. Beaucoup m'ont dit que je finirais paumé. J'avais que section pour m'épauler. J'étais souvent dur et en colère. Oui, je n'aimais pas le système scolaire. J'avais du mal avec les horaires. Et mes ennemis, je disais, je les aurais. Je ne suis pas là pour décorer. Non, Renoir, faut pas décoller. Et on disait qu'il avait trop de tir. Na, Black M sur la première. Et puis, bon, Pedro Mouni appelle à nous le matin en 99. 2000, il y a Gérard qui était avec nous ce matin, écoutez. Tout le monde roule tellement vite, mais des fois on roule 90, 110. Tout le temps je l'ai pressé et il ne sert à rien. Je regarde dans quelles conditions, je dois faire l'accident. Tout le monde les brise dans la même galère. Mais si la personne l'a fait l'accident ou et à la cause de l'accident, elle n'est pas blessée. Quoi. Et heureusement, tu es sans gravité. Salut Gérard, Claude Montané l'arrivée. Bonjour Claude. Jackie, bonjour, bonjour à tous. Justement, notre comportement sur la route aujourd'hui. Ah, croire que c'est difficile, Jackie, de respecter le code de la route. Il ne respecte pas les limitations de vitesse, il ne respecte pas les consignes de sécurité, sauf que ça peut vous coûter très cher. On en parle juste après le journal. Juste après le journal qui arrive dans moins de 2 minutes sur la première. Votre trajet en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Et un accident sur le boulevard Sud, Yves. Oui, sur le boulevard Sud à hauteur de l'hôpital d'enfants. Accident impliquant 3 voitures en direction de l'ouest. Donc il y a une voie neutralisée forcément et des bouchons sous le tunnel devant la tranchée couverte de Saint-Denis dans le sens boulevard Doré vers le carrefour Mazagran. Donc circulation compliquée pour vous qui sortez de Saint-Denis par ce boulevard Sud. Donc vaut mieux privilégier le boulevard d'Or, c'est-à-dire le boulevard Lancel, sur lequel vous circulez à peu près correctement. Une entrée ouest qui s'est rapprochée d'ailleurs de Saint-Denis puisque c'est juste avant les potences que démarrent les difficultés. L'entrée est par contre reste toujours très très encombrée. Et puis un petit peu de monde sur la voie de contournement de Saint-Benoît dans les deux sens. En ce qui concerne cette partie, la partie ouest, toujours coincée entre Grand Fonds-Boucan en direction du Cap-Laoussé. sortie de tunnel du Cap Laoussé sur la route des Tamarins, donc là avec quelques difficultés encore dans les rampes, des plateaux cailloux. Et puis ici dans le sud, ça circule plutôt correctement, hein, Saint-Louis-Saint-Pierre, pas trop de difficultés pour quitter Saint-Louis, mais une fois atteint la 400 voies, puisque je rappelle qu'il y a la contrainte de traverser la rue principale et le centre-ville avec cette braderie. La descente du tampon plutôt correcte. Ici, déviation nord-est de Saint-Pierre, entre une fois passé Terre Rouge, là où je me trouve, et l'arrivée sur Bassin-Plat, c'était plutôt roulant. Mais il y a des difficultés en provenance de Grand-Bois. Il y avait une présence de véhicules de police qui intriguait les automobilistes. Voilà, très bonne route avec la première. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Le soleil brillant ce lundi 6 juin 2016. En sera-t-il de même pour la journée? Donc on en parle juste après le journal. Il est 8h sur la première. Cécile Thomas, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Les musulmans de France commencent aujourd'hui le ramadan, mais à La Réunion, il faut attendre l'apparition de la lune. Un mois de jeûne en journée, en hiver, ça s'annonce moins dur que l'été, reportage dans ce journal. Nous irons à Mayotte où les chasses aux étrangers se poursuivent. Les habitants délogent ceux qu'ils accusent d'être clandestins à Kanikeli. Pas de violence, mais une marche pour demander à l'État d'intervenir pour régler la situation. Reportage de nos confrères de Mayotte Première. Le bichic est en danger, pêché à l'eau de Javel. L'alevin risque de disparaître. Nous entendrons Joseph Damour, pêcheur à la Vouve, qui compte défendre le petit poisson en or. En basket, les filles du tampon ont échoué en championnat de France de National 3. Elles ont perdu en demi-finale. Elles se contentent du titre de championne des Outre-mer. Nous entendrons leur entraîneur déçu. Et puis musique à la fin de ce journal avec la fin du Sakifo et le rock gypsy d'Emir Kusturica. Réunion Première, Cécile Thomas. Le ramadan commence ce lundi pour les musulmans de France, annonce faite hier par le Conseil français du culte musulman. Mais à La Réunion, les autorités religieuses se fient à la lune. Il faudra guetter son apparition ce soir pour savoir si le jeûne peut débuter. Cette année, le mois de jeûne va coïncider avec le solstice d'hiver. Les jours seront donc plus courts. Le jeûne sera rompu plus tôt qu'en plein été austral. Pour ceux qui travaillent, comme chaque fois, il faudra s'adapter à ce rythme exigeant. Bruce Régent. Pendant le mois qui vient, Nour sera fidèle au poste. Juste devant la mosquée de Saint-Denis, il continuera de vendre samoussa et petite douceur. Les gens, pour l'iftar, ils viennent prendre des gâteaux. Après, ils emmènent à la mosquée pour rompre le jeûne. Pas question pour Nour de réduire sa plage horaire. La journée, il y a quand même du monde. Mais le soir, c'est une clientèle en plus. Sur l'ensemble, c'est positif. Dans le magasin voisin, en revanche, fermeture anticipée. Les passants ne sont plus des chalands. Ils sont pressés d'aller à la mosquée. Au lieu de 18 ans, on ferme à 17h30. Et ça arrange bien la TK. Pour préparer pour la famille, le repas et tout. Et puis, c'est l'heure propice pour faire des demandes à Dieu avant de rompre le jeûne. Cyril Abdullah, lui, voit venir quelques journées éprouvantes derrière ses fourneaux de restaurants de spécialités indiennes. C'est pas pareil comme les gens travaillent dans un magasin, il y a la clim, c'est pas pareil, c'est différent. Nous on travaille, mais il y a beaucoup de chaleur, on n'a pas le droit d'avaler la salive, tout ça. Donc c'est plus dur et ça fatigue plus vite en fait. Et en plus, il y a plus de choses à préparer. Voilà, il y a les gâteaux, plus le repas en cuisine pour la salle, tout ça. Mais cette année, je pense que ça va bien se passer. On va casser le ramadan, on va casser très tôt, vers 17h45. D'habitude, on casse 18h, 18h05. Avantage de l'hiver austral. Mais alors, quand il faut assaisonner? Non, on peut goûter. Vous avez droit à une exception. Voilà, mais on n'avale pas. Après, on rince sa bouche. Cuisinier, on peut goûter, parce que c'est notre métier, en fait. Un reportage de Bruce Régent, cette période de jeûne. Quatrième pilier de l'islam intervient cette année pendant l'Euro 2016 de football et durant les épreuves de baccalauréat qui débutent le 15 juin prochain. À Mayotte, le début du ramadan enrayera peut-être le cycle de la violence qui a marqué ces dernières semaines. Hier, la chasse aux étrangers prévue à Kanikeli n'a pas eu lieu. Les habitants ne se sont pas mobilisés en nombre suffisant. Au lieu de faire preuve de violence, ils ont donc organisé une marche pacifique. Une marche pour dénoncer l'installation des personnes en situation irrégulière dans cette localité du Sud. Une visite du quartier dit des étrangers a même été réalisée. Visite suivie par Zouaria Hamza. Une visite effectuée au son du mégaphone et autres sifflés dans un quartier bien vide de ses habitants. Beaucoup de familles étrangères, en voulant éviter le face-à-face avec les habitants de Kanikeli, ont quitté le village avant l'opération de ce dimanche, à l'image d'Amina qui a retrouvé refuge à Tsunzu. Cela fait des années que j'habite à Kani. J'ai eu tous mes enfants à Kanikeli. Les plus grands ont même reçu leur nationalité. Quand j'ai entendu qu'on allait être expulsés, j'ai pris mes affaires et je suis partie. Des expulsions qui divisent encore la population de de Kanikeli, une des raisons qui explique la faible mobilisation de la population. Mdere n'a pas voulu manifester. Si nous devrions expulser que les sans-papiers, moi je suis d'accord. Mais le fait de choisir les étrangers et de voir que d'autres cachent certaines personnes chez eux, alors qu'ils n'ont même pas de titre de séjour, cela nous révolte. La décision du tribunal administratif d'interdire les expulsions ou toute forme de manifestation contre les étrangers a fait également reculer beaucoup de citoyens, une dizaine reçus par les adjoints au maire de Kanikeli. Aniou en faisait partie. Le travail qu'on voulait faire, qu'aujourd'hui ils nous disent que ce n'est pas à nous de le faire, d'accord, mais on a fait comprendre notre ras-le-bol, notre fatigue par rapport à cette situation. La doléance principale étant de faire expulser tout étranger en situation irrégulière de leur localité. Si dans un mois rien n'est fait, ils ont promis d'agir en conséquence. Zouhouria Hamza de Mayotte première, et hier encore des expulsions d'étrangers par des collectifs de villageois ont eu lieu, qu'ils soient en situation irrégulière ou non. Ils ont été chassés de leur domicile dans 6 communes. 114 personnes supplémentaires se retrouvent aujourd'hui sans logement. 83 d'entre elles étaient en situation irrégulière. Elles ont été reconduites à la frontière. Retour ce matin sur la semaine européenne du développement durable. Elle s'est achevée hier. L'occasion pour le syndicat mixte des transports de La Réunion de promouvoir les transports en commun. Opération séduction dans les jardins de la mairie de Saint-Louis hier où diverses animations étaient au programme. Il s'agissait de rappeler que les bonnes pratiques pour préserver l'environnement, le recyclage, la lutte contre le gaspillage et aussi l'utilisation des transports en commun dans l'île. Ils ne représentent que 5% du trafic. On peut mieux faire. Alix Galbois, président du SMTR, pense que les mentalités peuvent changer. On voit que les gens s'intéressent effectivement à améliorer leur déplacement d'une manière ou d'une autre. Ils ne demandent que ça. Le public est très très très intéressé. Nous avons touché pas mal de monde dans les cigares et on doit encore travailler beaucoup beaucoup là-dessus en termes de communication. Le développement durable a une composante essentiellement environnementale. Nous devons nous déplacer, nous devons avoir un comportement durable pour préserver notre environnement. Le message passe petit à petit. C'est déjà bien mieux qu'il y a quelques années, si vous voulez. Sur un air de French Cancan, Alix Galbois, le président du syndicat mixte des transports de La Réunion, il répondait à Priscilla et Thève. C'est le grand rendez-vous des pêcheurs amateurs. Tous les premiers dimanches de juin est organisée la journée annuelle de promotion de la pêche, de l'eau et de la protection aquatique. Le rendez-vous est fixé au parc du Colosse à Saint-André. On y parle protection des milieux, mais aussi des poissons et autres chevaquines, le chouchou, l'or noir des rivières et bords de mer. C'est le bichic. Le risque, c'est qu'ils deviennent un souvenir. Il est possible qu'il disparaisse des cours d'eau et de nos assiettes. Il est trop pêché, braconné, avec des méthodes sans scrupules. C'est ce que dénoncent certains pêcheurs. Joseph Damour, pêcheur traditionnel à la Vouve, tente de lutter contre ces pratiques, mais il se sent bien seul. Dommage, dit-il, on surveille les rivières, mais pas l'océan. Je pense qu'il y a déjà une amélioration du système, parce que nous, on retrouve beaucoup de boucherons à la rivière, donc le papa et la maman bichic. Hein, comme cette année, on a dû le relâcher dans notre pêche à nous 100 kilos à peu près. Donc c'est énorme. Donc on voit quand même que notre action porte ses fruits. Mais au niveau de la mer, il n'y a aucune action qui est menée actuellement. Donc moi, je me plains déjà que l'État n'intervient pas suffisamment et n'intervient pas du tout, je dirais. Actuellement, je pense au niveau de la ressource, hein, on est à peu près à 40% de la ressource de ce qu'il y avait il y a 20 ans. Ça a gravement diminué. Aussi, actuellement, nous, on ne sauvegarde pas ce petit patrimoine qui nous reste, ben c'est fini. Si on fait pas, si on ne bouge pas, si on ne mène pas des actions fédérées avec l'État, ça va être la disparition de l'espèce. Joseph Damour, pêcheur traditionnel, répondait à Mélodie Nourri. Lui n'est pas en voie de disparition, il fait le bonheur de nos assiettes à dessert, voire même du reste du repas. Le goyavier était fêté à la plaine des palmistes ce week-end, d'une manifestation très arrosée, surtout au début par la pluie qui n'a tout de même pas découragé les exposants. Entre 10 000 et 15 000 visiteurs se seraient déplacés d'après les organisateurs. Gaël Argentet, producteur de goyavier à la plaine des palmistes, pour lui, la filière est en plein essor. En fait, c'est un fruit qui devient totalement à part entière. Nous, on souhaite le pousser au maximum de telle manière à ce que ça devienne une filière d'excellence et qu'on reconnaisse la plaine des palmistes d'abord, mais aussi la Réunion pour son goyavier, quoi. On a la mangue, on a l'ananas, etc. Et nous, on veut mettre vraiment en valeur le goyavier parce que c'est une des richesses pour nous de la Réunion. Comment est-ce que vous voyez finalement son avenir au goyavier ? Bah moi, je suis revenu de métropole parce que j'ai fait mes études là-bas, spécialement en fait pour travailler avec mes parents, le goyavier. Donc moi, j'y crois vraiment. Beaucoup d'agriculteurs, les collectivités sont avec nous pour pouvoir faire goûter en termes de glace, de transformer, être créatif avec le fruit. Donc à vous de juger, mais moi, je vois un bel avenir sur le goyavier. Gaillard Ginte, agriculteur et producteur de goyavier à la Plaine des Palmistes, interrogé par Mélodie, nourri avec l'aide de la Chambre d'agriculture, mais aussi d'autres partenaires. La filière goyavier porte un projet de création de groupement d'intérêts économiques et environnemental à la Plaine des Palmistes. L'objectif, fédérer les producteurs, mieux se faire entendre des décideurs, mais également bénéficier de financements. En sport, les basketteuses du Tampon n'ont pas réussi la passe de 2 en championnat de France de National 3. Elles ont perdu en demi-finale. Elles se contentent du titre de championne des Outre-mer. Un titre sans trop de saveur pour leur coach Romuald Tamitavet. L'équipe a manqué de souffle. On va dire qu'on est déçus, hein, très déçus, parce que il y avait quand même la place de, pour passer, quoi. Donc on aurait pu jouer cette finale, ou bien peut-être au mieux représenter notre la première place qu'on avait l'année dernière. Maintenant, après, on relativise, parce que c'est toujours représentatif, un trophée ou une médaille. C'est, on va dire que il y a un sentiment d'inachevé, quoi, en fait. On va dire qu'il nous a manqué quoi. Il nous a manqué juste du rythme, c'est-à-dire que de l'opposition. Parce que quand on voit le match, on laisse quand même l'équipe à 54 points. Donc ça veut dire qu'on était dans notre plan de jeu maintenant. Si on n'a pas beaucoup plus de confrontations, je pense que ce sera compliqué de regagner ce titre de National 3, champion de France. Romuald Tamitavet, l'entraîneur des basketteuses du Tampon, championne d'Outre-mer. On ne se quitte pas sans faire un petit détour par Saint-Pierre au Sakifo. L'édition 2016 s'est refermée hier soir avec sur la scène de la Poudrière un Émir Kusturica en très grande forme avec The No Smoking Orchestra. Le public a adoré le rock gypsy. Danser, il faut danser, on est venu pour danser en fait. Ouais. C'est la joie de vivre personnifiée. Trop bien. La folie pure. Là, on va s'éclater. Si vous faites en plus tomber les verres de bouche. Qui s'éclate déjà. Voilà, il nous a éclaté. Que du bonheur, donc bah, vous attendez, on va partager. Hein. Vous êtes venu que pour lui? Ah non. Mais non, ça qu'il faut depuis là, que ça existe, on y va pour tout découvrir. Je l'aime. Super. Oui, j'aime bien. C'est la première fois que je vois, mais vraiment, c'est numéro un. Génial. C'est complètement contemporain, complètement dingue, plein de liberté. Le charme d'Émir Kusturica, le chanteur réalisateur a opéré hier soir. Oh là là, il a opéré hier soir un reportage de Daniel d'Ambreville. Et côté bilan de la fréquentation, les chiffres officiels ne sont pas connus. Mais on peut estimer que plus de 20 000 personnes ont assisté au concert du Sakifo cette année durant ces 3 jours de festival. L'info revient à 9h. Il est 8h12 sur la première. Direction Paris pour la revue de presse. Bonjour Steven Nipat. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Jérémy Flores et Kelly Slater assurent d'entrer à la Fiji Surf Pro. Frustré par un début de saison pas franchement raccord avec ses sensations du moment, rapporte le site numérique du journal L'Équipe. Jérémy Flores a parfaitement bien entamé cette 5e manche de la saison dont il fut demi-finaliste l'an dernier, juste avant son grave accident à la tête en Indonésie. Grâce à un 5 et un 7-67, le Français s'est directement qualifié pour les rounds 3. Je pense que je suis plus fort sur les vagues de riff, notamment parce que j'ai grandi à La Réunion, a notamment déclaré le champion au quotidien. Ce n'est un secret pour personne. Au Fidji, Kelly Slater est comme chez lui, un peu comme à Pipeline ou à Te Ahupo. Après un début de saison très médiocre, le Floridien n'a cette fois pas déçu lors de ce premier tour. Il a signé le deuxième meilleur total de la journée. Et la Réunionnaise Alice Lemoigne s'impose dans le sud-ouest de la France. Oui, toujours d'après le site numérique du quotidien L'Équipe, elle a remporté le longboard au pro à Vieux-Bouco ce samedi. Allez, sport toujours à 4 jours du début de l'Euro. Les chroniqueurs sportifs font part de leurs projections pour France-Roumanie. Et contre la Roumanie, Bixente Lizarazu vote Payet sur le couloir gauche. Le Réunionnais est au coude à coude avec Martial, le sélectionneur, et lui un peu confronté au choix du roi. Chez Payet, la parfaite maîtrise des coups de pied arrêtés pourrait se révéler précieuse, écrit l'ancien champion du monde dans la version papier de L'Équipe. Dimitri Payet présente un avantage non négligeable, son expérience. Lizarazu imagine bien comment ou Martial entrait en cours de jeu pour tuer ou faire basculer le match si besoin. Rendez-vous vendredi. Oui, nous verrons bien. Merci beaucoup, Steven. Merci, et merci Cécile Thomas. Les prévisionnistes de Météo France qui parlent d'un beau début de semaine. La matinée est ensoleillée sur l'ensemble du département. En revanche, en cours de journée, les pentes et les hauteurs de la Réunion seront sous les nuages. Du beau gris sur les hauts du chef-lieu, de la pluie dans l'intérieur et puis de belles éclaircies pour les plus hauts sommets et pour le littoral. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première. Lundi au vendredi, sur les étals des marchés de notre île, avec vous. 5h45, 6h20, 9h55, 10h28. Et la fraîcheur. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Allô chérie, j'ai essayé de te joindre, c'était occupé. J'étais en ligne avec Sophia. Avec Sophia ? Et c'est qui celle-là ? C'est un service gratuit de l'assurance maladie qui m'aide à mieux vivre avec mon diabète. Un infirmier me conseille sur mon activité physique, mon alimentation et les examens de suivi. En discutant avec lui, j'ai décidé de reprendre le vélo. Merci, Sophia. Allons bouger ensemble. Pour en savoir plus et savoir si vous pouvez bénéficier de l'accompagnement gratuit Sophia, appelez le 0809 109 974. L'assurance maladie. Service gratuit plus prix appel, destiné aux diabétiques du régime général de l'assurance maladie, sous certaines conditions. Bon, les gars, c'est une semaine historique. Si on veut accrocher ce record, va falloir donner le maximum. Ouais. C'est cette semaine ou jamais, je peux compter sur vous. Ouais. Je veux 24 mecs à fond, 24 champions. Mais coach, on est que 11. J'ai dit 24, je veux tout le monde, les remplaçants, même les arbitres. Semaine Euromillion My Million UEFA Euro 2016. Mardi 7 et vendredi 10 juin, pour la première fois, 24 joueurs en France vont gagner 1 million d'euros chacun. FDJ. Offre valable en République française et Monaco. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Le nouveau musée Stella Matutina fête ses 1 an le 12 juin de 9h30 à 17h30. Au programme, visite du musée, dégustation de jus de canne et de produits locaux, balade en charrette bœuf, atelier ludique et pédagogique, visite commentée du jardin et photos souvenirs. Venez nombreux découvrir ou redécouvrir le nouveau musée Stella Matutina à l'occasion de son premier anniversaire le 12 juin. Pour cette occasion exceptionnelle, l'entrée sera gratuite. Retrouvez le programme complet sur www.museereunion.re. Réunion des musées régionaux. Nos musées méritent qu'on s'y attache. Ce dimanche 12 juin, la ville de Saint-Leu organise un référendum local. Vous devrez répondre oui ou non à la question « Voulez-vous que la commune de Saint-Leu révise son document de planification pour permettre la carrière de bois blanc ?» Rendez-vous dans votre bureau de vote habituel de 8h à 18h. Le 12 juin, votons. Première. Yves, courrier nous attend entre Terre Rouge et Terre Sainte. Et si demain, il y avait plus de radars sur les routes, pourquoi le code de la route n'est-il plus respecté? Pourquoi un élève qui prend des cours en auto-école a-t-il un comportement exemplaire et que dès le permis obtenu, il n'est plus le même? Que faut-il faire selon vous? Renforcer les contrôles, être plus sévère avec les délinquants de la route, retirer le permis à vie? Vous avez la parole sur Réunion Première jusqu'à 9h au 02 62 99 2000. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montané. Et vous pouvez aussi laisser des réactions par SMS au 06 92 608 335 et sur la page Facebook de l'émission Allô Première. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Yves Grouillet, bonjour, vous êtes dans le sud ce matin. Oui, sous le beau temps, il fait beau, il n'y a pas de vent aussi. Hein. C'est aussi l'élément marquant parce que ça faisait presque 15 jours, presque 3 semaines que le vent soufflait. Et là, il y a vraiment un grand beau temps. Donc les conditions sont super bonnes. La circulation qui se fait donc relativement correctement hein, ce matin, et trafic en baisse hein, au mois de juin. Nous sommes à une semaine quasiment des épreuves du bac notamment. Les étudiants commencent à vider après des partiels et après des examens, donc ils sont en train de vider les bancs de la fac. Donc circulation, on voit quand même en baisse, alors que la campagne, elle, va bientôt démarrer, hein, parce que les cannes sont en fleurs, donc ça veut dire bientôt début de campagne sucrière. La circulation, donc légèrement ralentie, alors toujours avant le rond-point de la Caffrine, durant les travaux d'ailleurs au rond-point de la Caffrine, juste en dessous de Montvert-les-Bas, des travaux de réparation de murets, donc prévu cette semaine, 8h30, 15h30, avec un anneau rétréci. La circulation se fait encore quelques difficultés pour traverser Saint-Pierre, notamment le boulevard Mangue, et accéder entre Bassin-Plat et au giratoire à Chambaud. Quelques difficultés de circulation également au niveau des bretelles des échangeurs côté ouest de Saint-Pierre. Attention, démontage bien sûr des éléments du sac qu'il faut. Hein, donc il faut libérer tout le site d'ici mercredi. Alors il y a peut-être un peu de contraintes donc, sur cette partie ouest de ce boulevard, mais enfin ça gêne pas trop le trafic. En ce qui concerne le tronçon attention, échangeur de l'entre-deux jusqu'à Bois-d'Olive. Il y a des travaux donc ils sont en cours et surtout ils seront réalisés de nuit puisqu'il y a des enrobés qui démarrent à partir de ce soir. Il y aura des contraintes de nuit. On en reparlera. Côté ouest, bouchon quasiment à hauteur de l'échangeur de Plateau-Caillou. Ça roule sur le littoral ouest. Entrée ouest, juste avant les Potences. Attention, il y avait cet accident. Mais on pense qu'ils ont dû bouger hein, parce qu'il y avait trois véhicules impliqués, mais c'était vraiment très léger à hauteur de l'hôpital d'enfants en direction de l'ouest. Il y a quand même quelques ralentissements sous la tranchée couverte côté mer. Une entrée est où ça commence à rouler au niveau de la ligne droite de la Jamaïque, mais il y a encore quelques tronçons qui sont encore un peu chargés. Très bonne route, en tout cas, avec la première et prudence. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Les essais nucléaires en Polynésie française, Caroline Marie. Planète Outre-mer, la chronique environnement présentée par Caroline Marie. Si on dit que le Pacifique est encore relativement épargné par la pollution, il a été toutefois le théâtre de nombreux essais nucléaires réalisés par les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Entre 1966 et 1996, en Polynésie française, il y a eu 193 essais nucléaires. Aujourd'hui, une association se bat pour que la période des essais soit mieux connue par la population polynésienne. Roland Oldham, président de l'association Muroroetatou, qui s'occupe des victimes des essais nucléaires en Polynésie française. La recherche de la vérité est la chose la plus importante. C'est vrai que nous avons en face de nous un mur en béton qui est l'État. Mais si nous-mêmes, nous nous cachons derrière certains mensonges, on n'arrivera jamais à avancer. Il est important que l'histoire de la bombe soit enseignée dans les écoles. Parce que ça fait 49 ans après, les essais nucléaires ne font pas partie de notre histoire. Et ça donne de l'espoir à nos anciens travailleurs. Parce que beaucoup de nos anciens travailleurs malades aujourd'hui se sont investis dans ce combat-là, malgré la maladie, malgré les cancers qu'ils ont, ils sont encore là. Et certains sont décédés. Et le système de justice français, je suis désolé de le dire, elle est injuste, puisque ça fait des années qu'on se bat, il n'y a toujours pas de justice pour les victimes. Depuis quelques années, la situation de Hao, un atoll utilisé pendant la période des essais comme base arrière par le CEP, le Centre d'expérimentation du Pacifique, inquiète beaucoup l'association Muroroetatou, son coordinateur John Doom. Nous avons sonné l'alarme il y a déjà 3 ou 4 ans. Ils ont donc découvert qu'effectivement beaucoup d'endroits étaient pollués, étaient contaminés, et en particulier là où on nettoyait les avions, de retour des nuages radioactifs. La mairesse, dans le temps, la maire de Hao, avait demandé « Vous prenez cela et vous l'envoyez à l'extérieur. » Mais l'armée n'a pas entendu cela. Et aujourd'hui encore, non seulement qu'il y a de la pollution sur Terre, de tout cela, mais le lagon est aussi complètement... Il y a un rapport officiel aujourd'hui, demandé par l'armée, d'une société qui a fait, qui dit que et le poisson et les bénitiers... et même les cocos, de toute une partie où était installé le CEA, est contaminé, quoi. Muroroetatou défend également de nombreux vétérans qui espèrent voir un jour leur maladie reconnue comme une conséquence de leur participation aux essais nucléaires. C'était Planète Outre-mer avec le soutien de l'Agence française pour la biodiversité et le ministère de l'écologie. Merci Caroline Marie. 8h, 10h... Allô Première, Claude Montanet. Sommes-nous capables de changer vraiment de comportement sur la route? Et si les radars étaient l'une des solutions dans la lutte contre la délinquance routière? Ignace nous dit ceci, c'est une machination politicienne qui flash à des heures précises, c'est-à-dire sortie ou entrée des heures de travail. Il faut à tout prix prendre le plus de gens solvables, alors qu'en même temps, des scooters passent devant eux sans casque au fond des slaloms entre les voitures et rien n'est fait. Ce n'est pas la faute des fonctionnaires, mais les ordres sont de rien faire à ce genre de public non solvable. Alors non à plus de radars et oui à plus de policiers qui contrôlent sur le terrain. Les invités pour en parler, comme Landivier, avocat du permis de conduire, bonjour. Bonjour Claude. Merci d'être avec nous ce matin. Richard Barret, expert en gestion des risques, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être là. Alors une réaction sur ce que vient d'écrire notre auditeur Richard Barret. Lorsqu'on parle de radar, Ignace nous dit que c'est une machination politicienne qui flash à des heures précises. Alors donc, il est plutôt en colère. Oui, les radars flashent à toutes les heures de la nuit. Je propose à Ignace. Mais il n'a pas l'impression. Oui, oui. Justement, je propose de vérifier, c'est-à-dire à 1h ou à 2h du matin, d'y aller en excès de vitesse à côté d'un radar, et il constatera que les radars flasheront à ce moment-là aussi. Bon, alors. Parenthèse mise à part, il y a aussi pour les scooters. C'est vrai que les scooters, on a tendance en tant qu'automobiliste à croire que les scooters sont impunis. Le problème est que il faut quand même pouvoir les attraper entre les voitures. Il faut pouvoir les attraper en train de se faufiler comme cela. Donc ce sera les gendarmes, ils sont équipés de fourgons ou de voitures, ils ne peuvent pas comme ça leur courir après. Après, donc c'est sûr aussi qu'il faut mettre plus de policiers. Mais pour mettre plus de policiers, je pense qu'il faudra mettre plus de radars pour pouvoir payer les policiers, parce que bon bah ça a un coût forcément. Sachez que les radars, tout ce qui est dispositif de sanctions sur les routes, servent essentiellement à la sécurité routière, à l'infrastructure routière. Donc normalement, cet argent-là doit être redistribué pour pouvoir améliorer l'état des routes. Bon, ceci dit, les voitures qui roulent en excès de vitesse, je suis d'accord, en dessous de 10 km/h, ce n'est pas bien grave, mais au-delà et avec les comportements qui vont avec, c'est-à-dire très dangereux pour les autres, je pense que plus de radars, plus de sanctions, ce serait bienvenu. C'est ça qui a le sauvé le plus de vies. Vous avez la parole sur la première jusqu'à 9h, 02 62 99 2000. Et si demain il y avait plus de radars sur les routes, est-ce que ce serait la bonne solution? Pourquoi le code de la route n'est pas ou n'est plus respecté? 06 92 608 335 pour les réactions. Vous êtes très nombreux à réagir ce matin. Alors Maître Comme-Landivier, avocat du permis de conduire, c'est cette réaction qui parfois donc agace aussi, il n'est pas le seul, hein, Ignace, en disant que il faudrait peut-être prendre aussi le plus de gens solvables. Alors, pourquoi? Alors, après, il fait référence à ces scooters, à ces jeunes, donc sans casque, qui ne respectent rien et que les forces de l'ordre n'arrêtent pas. Mm-hmm. C'est l'impression. Alors, il y a plusieurs choses, effectivement, dans la remarque d'Ignace, de cet auditeur. D'abord, il parle de machination politicienne. D'autres, et d'aucuns, parlent également de machine à sous. Politicienne, n'est-ce pas, s'agissant des radars, à savoir qu'on a l'impression que elles sont là, les radars automatiques sont là bien plus pour renflouer les caisses de l'État, dont on sait qu'elles sont vides actuellement, plutôt que dans un souci de sécurité routière. Alors il est vrai que la multiplication des radars, hein, depuis les années 2000 surtout, a fait chuter la vitesse moyenne tout de même en France, il est vrai, mais en revanche, je trouve là qu'on tombe dans une répression qui est trop important tout de même. Pourquoi ? Parce que on se retrouve avec des comportements qui viennent d'être dits par Richard Barré, qui ne sont pas nécessairement nuisibles pour l'ordre public, et des vitesses qui sont à 1 km/h de plus relevées, etc., qui ne sont pas nécessairement des comportements dangereux pour la route, ça il faut le dire. Alors évidemment, moi je préconise, comme l'a dit l'auditeur également, plutôt la présence des forces de l'ordre, si on veut vraiment s'attaquer à la sécurité routière, puisque les forces de l'ordre constatent... Donc plus de moyens humains, c'est ça? Plus de moyens humains et... Et moins de radars. Oui, selon moi, oui, s'agissant de la vitesse, oui. Parce que les radars sont des robots et ne font pas la différence entre un comportement dangereux et un autre. Et enfin, je note que les radars ne cessent d'augmenter. Hein. Je rappelle pour cette année, c'est la mise en œuvre de 120 nouveaux radars autonomes, de 200 nouveaux radars à double sens. Alors, on n'en a pas à La Réunion encore de ce type de radars. Et enfin, de 50 nouveaux radars mobiles en plus qui sont déployés sur toute la France. Et les auditeurs ont la parole sur la première. 8h, 10h. Allô première, Claude Montanet. Jean-Pierre de la Possession, bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Voilà, écoutez, moi j'appelle tout simplement, je considère que les radars sont pour parler vulgairement, des pompes à fric. On ne cherche pas à identifier le conducteur, mais à la voiture. Donc il paye et puis voilà. Ensuite, quand je regarde les gendarmes ou les policiers installer leur radar mobile, ce sont souvent dans des lignes droites. Et effectivement, comme disait l'auditeur précédent, dans des lignes droites, quel intérêt de mettre un radar mobile à en sortie de la route du littoral sur une route droite 110 à la Possession? Mais il faudrait les mettre où alors, Jean-Pierre? Il faut les mettre à des endroits dangereux, dans des courbes où les gens prennent Moi, je vois ça régulièrement sur la route du littoral, pointe du Gourc, 70, les gens passent à 150 facile. À ce moment-là, c'est là qu'il faudrait plutôt mettre des radars fixes. Voilà, c'est à des endroits où ils sont accidentogènes, pas en ligne droite. Ça, c'est ma première remarque. Ensuite, je suis contre le PMI à vie. Il n'est pas normal que beaucoup de gens ont 25 ans de PMI ne savent pas faire un créneau. Moi, je vois sur la route du littoral, parce que j'ai conduit une voiture surélevée, je pouvais voir ce qui se passait dans la voiture devant. Les gens hésitaient à passer leur PMI, passer leur vitesse d'un canal bichique. Ils roulaient à 60 km/h, et ensuite, vous avez tous les radios, tous les radios qui appellent, qui disent « gros bouchon, canal bichique, on roule à 70 ou à 60, on a 2 heures d'embouteillage, on se pose pas la question pourquoi il y a embouteillage ». Il n'y a rien, il y a tout simplement une personne qui roule pas devant, parce que, voilà, ce sont des gens... qu'on devrait refaire passer leur examen pour savoir s'ils sont aptes à conduire ou pas. Quand je regarde le comportement des gens, j'envisage d'installer une caméra sur mon tableau de bord pour filmer ce que je vois. Ah, vous aussi alors. Voilà. C'est hallucinant. Vous avez des voies d'accélération qui font souvent 100 mètres. Les gens sautent au premier mètre et prennent l'accélération sur la 4 voies. Et si vous arrivez derrière, vous êtes surpris, vous freinez et vous faites un embouteillage et on ne sait pas pourquoi, à tel ou tel endroit, dans l'Ouest régulièrement, vous avez des embouteillages. C'est ce type de comportement qui entraîne l'embouteillage. Vous avez aussi, moi je vois ça régulièrement dans les auto-écoles, désolé si je vais vous choquer, on n'apprend pas aux gens à mettre leur clignotant avant de tourner, mais pour dire au conducteur qui va dire « je vais tourner », mais on met le clignotant quand je tourne. Et ça, voilà, même si on a la distance... Non, c'est pas vrai. Hein. Jean-Pierre, ça tombe très bien parce qu'il y a Richard Barret qui est expert en gestion des risques. Et puis, Maître Comme-Landivier qui est avocat du permis de conduire. On rappellera un peu le rôle de l'avocat du permis de conduire. Restez avec nous, s'il vous plaît, Jean-Pierre. Le temps d'accueillir Yves Gruyer à Saint-Pierre, donc il est à Bassin-Plat. Restez avec nous, s'il vous plaît. Il est 8h30. Vos trajets en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Ah, l'auditeur est contre le permis à vie. Yves, c'est à vous. Oui. Permis à vie, oui. Ça dépend du chacun. Et chacun doit être respecté donc les autres et avoir un comportement responsable sur la route. Voilà le message. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Allez, le trafic toujours correct ici sur la partie sud de l'île, avec un peu de monde quand même toujours à hauteur de Bassin-Plat. Je me trouve entre l'échangeur et le pont de la rivière d'abord. Après, vous arrivez sur Archambault avec moins de difficultés puisque l'heure de pointe est passée pour traverser le boulevard Banque. La descente du tampon toujours correct. Saint-Louis-Saint-Pierre, pas trop de difficultés. Ce qui est difficile, c'est traverser Saint-Louis avec la braderie qui se déroule en ce moment. Échangeur quasiment de plateau caillou pour les ralentissements dans l'ouest. Sur la partie basse, ça roule. Le trafic ralentit alors à hauteur des potences en arrivant sur Saint-Denis. On a enlevé un des véhicules donc pris dans ce carambolage tout à l'heure sur le boulevard sud à hauteur de l'hôpital d'enfants. Donc il y a une voie neutralisée et il y a toujours deux véhicules qui sont en attente pour certains donc d'être pris en charge par un camion. Le bouchon donc démarre avant le rond-point doré en arrivant du Champfleury, donc circulation difficile. Du coup, ça ramène pas mal de monde sur la rue du Bois de Nèfle pour éviter une partie de ce tronçon du boulevard sud en direction de l'ouest. Soyez encore patients à ce niveau. Entrée est, encore quelques encombrements. La ligne droite de la Jamaïque est encore difficile. Et puis, même entre le plateau de la Mare et jusqu'à Gilot, la circulation se fait également avec quelques difficultés. Il y a quelques petits tronçons roulants. Je rappelle que le petit tour à vélo pour justement apprendre aux jeunes donc comment on circule à vélo en compagnie également des automobilistes, ça se passera à Saint-Benoît ce matin. Saint-Benoît donc avec Petit Saint-Pierre, Sainte-Anne, donc ils sont concernés, donc tout le monde va converger en direction de la rivière des Roches où donc tout le rendez-vous des 500 marmailles qui participeront aujourd'hui à ce petit tour à vélo dans l'Est vont se retrouver pour le pique-nique de midi. Bon courage. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. À croire que c'est difficile de respecter le code de la route, et puis pourquoi jeter à la poubelle tout ce que l'on a appris en école de conduite? On ne respecte plus les limitations de vitesse, on ne respecte pas les consignes de sécurité, sauf que ça peut vous coûter très cher. 02 62 99 2000 pour les réactions. 8h, 10h. Allô première. Claude Montanet. Maître comme Landivier, avocat du permis de conduire. Richard Barret, expert en gestion des risques. Alors, il est toujours avec nous, Jean-Pierre de la Possession. Richard Barret, allez-y, expliquez. Oui, Jean-Pierre. Jean-Pierre, je suis d'accord avec vous sur toute la ligne de ce que vous avez dit avant. Je peux même vous apporter quelques arguments là-dessus. Tout va bien, il n'y a pas de souci. Au contraire, là où vous m'avez interpellé, c'est quand vous avez parlé des auto-écoles qui n'apprenaient pas à mettre le clignotant au bon moment. Bon, sachez juste que quand on passe son permis, par exemple, si vous avez mis votre clignotant trop tard, c'est-à-dire que vous avez le temps d'agir avant d'avoir signalé ce que vous voulez faire, c'est-à-dire si je tourne à droite ou à gauche, on est obligé, bien entendu, de ralentir pour y tourner, de rétrograder, etc. Si vous avez eu le temps de faire ça avant de mettre votre clignotant, vous ne pouvez pas avoir votre permis parce que vous avez un comportement dangereux, vous n'avez pas prévenu que vous allez ralentir aux voitures qui sont derrière vous. Donc, il est logique que selon la vitesse à laquelle vous roulez, la distance à laquelle vous vous trouvez de l'obstacle ou de la situation qui vous oblige à mettre un clignotant, vous deviez mettre celui-ci avant toute action sur les commandes de la voiture. Voilà, c'est juste ça que je voulais préciser. Les auto-écoles sont dans l'obligation de préciser ce que vous avez dit. Maintenant, les gens, après qu'ils aient le permis, forcément, certains ne respectent pas cela. Voilà, c'est... plus. Voilà, oui. C'est tout à fait. Mais ne tirez pas sur les auto-écoles, non, je vous prie. Ne tirez pas sur l'ambulance. Je ne tire pas sur les auto-écoles. C'est ce que je vois sur la route. Oui, bien sûr. Mais devant moi, automatiquement, désolé de vous dire, j'ai un réflexe de prendre de la distance. Vous avez raison. Pour ne pas stresser la personne qui a le droit. Bien sûr. Ensuite, pour m'éviter qu'il freine brusquement, que je tape derrière, enfin bref, plein de choses. Et souvent, je m'aperçois que ce fameux clignotant, il est mis quand je tourne. Et alors, non pas avant. D'accord, j'ai bien compris. Après, ce que vous avez dit, c'est de la théorie, mais quand on roule, on fait de la pratique. Oui. Et c'est là qui me gêne. Après, il y a un autre point où je voudrais souligner, j'espère que l'avocat pourra apporter un point là-dessus. On devrait verbaliser les gens qui ne savent pas stationner dans des parkings. Ma voiture, elle est neuve, je prends deux places. Oui, c'est vrai, mais vous savez que c'est sanctionnable. Vous savez que c'est sanctionnable. Irrespectueux et incompréhensible. Je vois ça tous les jours, dans le parking de grande surface, dans les parcs, mais j'ai vu une personne avec une voiture neuve, le commentaire qu'on m'a fait, ma voiture est neuve, je préfère payer deux places. Je veux intervenir. J'aimerais entendre Maître comme Landivier, notamment sur la position des radars. Juste intervenir. Donc pour les auto-écoles, vous savez que j'ai été pendant plus de 20 ans directeur d'une auto-école, donc je m'y connais un petit peu. Ce qui est très bien, c'est que vous le dénonciez maintenant, parce que je pense qu'il y a beaucoup de collègues, d'anciens collègues qui écoutent, et ça va s'auto-réguler d'eux-mêmes par rapport à cela. Donc ça, c'est une très bonne chose que vous le disiez. Sachez que c'est pas autorisé par le code de la route ce que font certains. Concernant les places de radar, de parking, sachez aussi que cela est déjà interdit. Voilà. Maître comme Landivier, avocat du permis de conduire. Alors, sur le positionnement des radars, c'était soulevé par Jean-Pierre à l'instant. Oui, c'est intéressant votre remarque, Jean-Pierre. Effectivement, on a l'impression tout de même que le positionnement des radars, mobile ou fixe d'ailleurs, est là beaucoup plus pour piéger le conducteur plutôt que dans un souci de sécurité routière. Hein, ce dont vous faisiez référence, c'est-à-dire dans les lignes droites plutôt que dans les points accidentogènes, se vérifie tous les jours. Et par ailleurs, on le sait, hein, alors ça va faire peut-être un petit scandale, mais on le sait que les forces de l'ordre, notamment dans la gendarmerie, ont un quota à faire pour être gradés, etc. Donc, ils sont dans une politique du chiffre, ils sont dans une politique d'un renflouement aussi des caisses de l'État, et ceci amène au constat que l'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a quand même un grondement de la rue par rapport à cela. On a l'impression qu'on est là pour prendre le portefeuille, et non plus, comme encore une fois... Ce que vous dites est visible à 15h, 15h30, 16h, ouais. Sur la passerelle de la Possession, sortie de la rue littorale. vous avez un motard sur sa moto, il fait son travail... Voilà, vous sortez de la rue du littoral, vous êtes à 90, vous prenez à 110, vous avez déjà pris un peu d'accélération parce qu'il n'y a rien qui va provoquer un accident à cet endroit. Vous prenez l'accélération, vous passez les fameux 95, vous avez les deux motards dans votre dos qui vous arrêtent à la Possession, rond-point du capitaine Dubourg. Voilà, je comprends pas où est la prévention là, si ce n'est que de faire payer, quoi. Voilà. Mmh. Bon, écoutez, on fait le même constat, mais il s'agit quand même de le répéter, puisque certains auditeurs pourraient s'en offusquer parfois. On est tous là, je suppose, sur le tableau, en train de dire simplement que c'est le moyen de contrôle qui ne sont pas adaptés selon nous. Le débat est ouvert. Mais en aucun cas, évidemment, nous sommes pour une répression zéro. Il s'agit de réprimer les comportements dangereux et non pas les autres. Évidemment, un mort sur la route est un mort de trop, un blessé est un blessé de trop, et on est tous là pour dans un souci de la sécurité routière. Merci, Jean-Pierre de la Possession, merci beaucoup de votre fidélité à la Première. 8h, 10h, Allô Première, Claude Montanet. Alors Jean-Michel Delouest qui dit « Quand la position des radars est connue, son efficacité est moindre, car nous voyons tous les gens freiner juste avant, il faudrait placer en fait de temps à autre un deuxième contrôle radar juste après, et surtout avoir des contrôles aléatoires, ce n'est pas que lorsque l'individu est dans l'incertitude qu'il va rester vigilant, ne sachant pas s'il va y avoir contrôle ou pas. » Que pensez-vous du message de Jean-Michel? Richard Barret, expert en gestion des risques. Oui, c'est malheureusement vrai, tout simplement parce que, en fait, si on a peur du gendarme, on va faire attention à ne pas faire de bêtises pour ne pas avoir le coup de matraque sur la tête, si je peux m'exprimer comme ceci. Mais il est vrai que si maintenant la personne n'a plus besoin de savoir qu'il y a un radar, n'a plus besoin d'imaginer qu'il va peut-être se faire surprendre pour pouvoir respecter les règles, on serait bien plus en sécurité. Tout simplement parce que plus on va se concentrer sur sa conduite pour éviter de faire des bêtises, pour éviter de se faire attraper au radar, moins on sera attentif à la route. Vous voyez ? Alors que plus on est attentif à la route, par décision, par comportement, moins on fera de bêtises. Mais la différence sera qu'on sera plus attentif à la route et non pas attentif au radar. Parce que si vous êtes tout le temps les yeux sur votre compteur à regarder si vous êtes en excès de vitesse ou pas, vous risquez de pas voir les voitures qui vous dépassent, vous risquez de pas voir à temps la voiture qui freine devant, vous risquez de pas voir d'autres indices. Donc, on en est malheureusement là. C'est vrai que les radars sont moins efficaces quand ils sont connus et que si on en mettait d'autres ailleurs, ce serait plus efficace. Mais est-ce que la sécurité routière y gagnerait? Alors que si tout le monde décidait de respecter les règles, par eux-mêmes, par leurs propres décisions, par leurs propres chefs, je pense qu'on n'aura plus besoin de radars, pour commencer. On n'aura plus besoin de se plaindre que les radars sont des pompes à fric, si vous pouvez me permettre l'expression. Et en même temps, normalement, à moins d'avoir le ciel qui nous tombe sur la tête, on aura beaucoup moins d'accidents. Il est 9h20 sur la Première, avant d'avoir Johanna de la Ravine des Cabris dans le Sud. Maître Comblant-Livier, vous êtes avocat du permis de conduire. Mmh. Éclairez-nous, s'il vous plaît. Oui, alors c'est une spécialité qui s'est développée tout de même il y a à peu près 15 ans en métropole. C'est une spécialité qui fait suite à deux événements, sous le double effet à la fois de la répression routière de plus en plus importante. Hein. Alors voilà, maintenant c'est l'affectation des moyens qui sont en débat aujourd'hui. Et d'autre part, sous l'effet évidemment du système du permis à points, puisque évidemment désormais on n'a plus un permis à vie d'une certaine manière, puisqu'il y a des sanctions qui s'appliquent, des sanctions administratives qui sont le retrait de points correspondant à chaque infraction. Et de ce fait-là, il faut être extrêmement vigilant sur la route, il faut être extrêmement vigilant également sur le solde de points qu'il nous reste au jour J, puisque parfois la vie professionnelle, familiale, sociale et individuelle du titulaire du permis de conduire est en relation directe avec le fait ou non d'avoir encore son permis à jour. Alors l'avocat du permis de conduire, il a deux facettes, pour faire grosso modo. D'une part, il s'agit d'assister, de représenter les individus à la suite d'une infraction au code de la route. Alors donc, c'est une représentation justice classique hein, devant le juge pénal, correctionnel ou les juges de proximité. Et par ailleurs, il s'agit également du contentieux relatif à la récupération du permis de conduire, que ce soit devant le tribunal administratif ou alors des recours gracieux auprès du ministère de l'Intérieur. Johanna, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes alors monitrice. Alors c'est ça, en fait j'ai une auto-école moi dans le Sud et je voulais réagir sur deux choses. La première c'était par rapport au radar, parce que c'est vrai que souvent j'entends les personnes qui ne sont pas contentes voilà, parce que les radars sont placés en ligne droite. Mais c'est vrai que c'est avant tout, je pense, une question de respect en fait, de respect des règles. Pourquoi rouler à 110 si c'est limité à 90 en fait les personnes, si elles respectaient constamment les règles, elles n'auraient pas de souci de recevoir des contraventions chez elles. Et si jamais elles en reçoivent, je trouve que c'est de bonne guerre de la payer puisque elles n'ont pas respecté les règles du code. Donc, nous, en auto-école, on essaye d'apprendre aux élèves non pas à respecter 90, tu dois rouler à 90, mais pourquoi ici c'est limité à 90, pourquoi ici c'est limité à 50, pour que la personne d'elle-même sache adapter son allure en fonction de la situation. Et une ligne droite, on dit que c'est pas dangereux, mais justement, si on prend de la vitesse, arrivé au bout de cette ligne droite, on n'a pas le temps de réagir, on n'a pas le temps de ralentir, et s'il y a un problème avec la zone de danger que représente le virage, on peut avoir un accident. Donc ça c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est par rapport au fait que les personnes aient du mal à mettre leur clignotant. Oui, ah, oui. Allez-y. Parce que j'ai un double appel. Non, allez-y. Par rapport aux auto-écoles en fait, qui mettraient leur clignotant au dernier moment. Donc effectivement, on apprend bien nous à nos élèves de prévenir avant, mais il faut savoir aussi pour que l'élève en fait puisse apprendre quelquefois, il n'a pas le temps de mettre son clignotant, il commence à freiner et là notre rôle intervient pour lui expliquer qu'effectivement la personne derrière n'a pas eu le temps d'être prévenue et donc ce sont des choses qu'il ne faut pas faire, mais il faut bien comprendre que quelquefois l'élève a du mal à traiter en fait tout ce qu'il a à faire et que donc pour qu'il apprenne, il faut aussi qu'il fasse des erreurs quoi, hein. C'est comme ça qu'il va apprendre. Donc on essaye autant que possible de faire en sorte que ça se passe en sécurité, mais c'est vrai que quelquefois, ils freinent avant de prévenir. Ouais. Donc, c'est pas quelque chose de voulu, je pense, de la part des auto-écoles. Hein. Richard Barret, expert en gestion des risques, a levé le pouce en vous écoutant. Donc, vous saluez la profession pour nous. Merci, Johanna. avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Merci d'avoir appelé de la Ravine des Cabris. Nous irons retrouver Jean-Luc de Sainte-Clotilde et puis Rémi Duport, 02 62 99 2000 pour vous exprimer sur la prévention, mais aussi sur la sécurité routière, sur les radars, mais également sur notamment sur les cours donnés en auto-école et pourquoi un élève qui prend des cours donc a-t-il un comportement exemplaire et puis que dès le permis obtenu, il n'est plus le même. On peut en parler. Et puis, vous pouvez aussi continuer à nous laisser des réactions par SMS au 06 92 608 335. Première 12h-13h. Les prix, le logement, l'emploi. Il y a un manque de volonté de la part des jeunes. La sécurité, la santé, l'aménagement du territoire ou encore le tourisme. Et les cons, quoi, tout le monde sait se truquer à la Réunion. Ce n'est pas normal. L'actualité réunionnaise analysée de 12h15 à 12h45 avec nos invités et vos questions pendant une demi-heure au moment du déjeuner. C'est dans l'actu sur Réunion Première. Avec Tom, on a toujours été amis depuis qu'on est petit. On est allé à l'école ensemble et on a toujours fait les pique-niques du dimanche. Encore aujourd'hui, quand il y a des fêtes, on est souvent au fourneau. Alors comme on ne trouvait pas de travail, on a décidé de monter notre affaire grâce au tremplin pour l'activité des jeunes. On a monté notre dossier, il a été accepté et avec l'accompagnement du département, on a pu lancer notre snack. Alors vous aussi, réalisez vos rêves avec le tremplin pour l'activité des jeunes. Avec le département, enclenche ta motivation, déclenche ta vie en appelant dès maintenant le numéro vert 0801 801 000 ou en te renseignant sur le site cg974.fr. Canette. Gariguette. Bicyclette. Banquette. Basket. Diabète. Vérifiez où vous en êtes. Du 3 au 10 juin, à l'occasion de la Semaine nationale de prévention du diabète, faites le test sur www.contrelediabete.fr. Première. Yves Grouillet est à la balance de Saint-Pierre. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Ça réagit bien au standard de la première. Yves, c'est à vous. Oui, ça roule pas trop mal pour rejoindre ce secteur des casernes de Saint-Pierre en provenance de Bassin-Plat, en provenance également de la déviation nord-est. Donc, moins de difficultés pour rejoindre le boulevard Banque. Le trafic est encore un petit peu chargé entre la bretelle de sortie des casernes pour rejoindre donc le carrefour avec la route qui part vers la ligne Paradis. Mais je rappelle que ce soir, attention, il y a des travaux sur la 4 voies dans le sens Saint-Pierre-Saint-Louis. La circulation sera déviée une nouvelle fois comme la semaine dernière pour la suite des travaux de changement des joints de l'ouvrage de la Ravine des Cabris. Donc, même configuration que la semaine dernière depuis la ZI3. En ce qui concerne le trafic, on baisse hein, puisque c'est sous la tranchée couverte en haut du viaduc hein, pour les ralentissements sur la fin de la route des Tamarins. Vous êtes quasiment à l'entrée du tunnel du Cap Bernard avec toujours cet accident qui est toujours en cours sur le boulevard sud avec cette contrainte des deux tranchées qui sont bien chargées. Circulation difficile hein, sur cette partie ouest entre le rond-point doré et l'hôpital d'enfants, là où s'était produit cette collision tout à l'heure. Une entrée est en forte démolition pour les embouteillages, puisque c'est le virage de la Jamaïque, là où démarrent les ralentissements. Et puis attention, des travaux avec voie de gauche neutralisée, hauteur de Brapanon sur la 4 voies, pour des travaux sur les chambres de France Télécom. Voie de gauche neutralisée dans un sens puis dans l'autre à partir de 8h30. Donc ça va pas, ça devrait démarrer normalement. Très bonne route avec la première. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Eddy de Saint-Pierre qui est très content de nous entendre ce matin et puis qui dit malheureusement trop de véhicules sont vendus à l'île de la Réunion sans les clignotants. C'est un véritable fléau sur l'île. Vous réagissez au standard. Nous partons accueillir donc Rémi Duport. 8h, 10h. Allô première, Claude Montané. Rémi, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Rémi. Bonjour. Oui, voilà, moi je voulais seulement intervenir parce que bon ben il y a une loi qui dit que l'agent qui constate l'infraction, c'est celui qui doit rédiger le procès-verbal. Alors que très souvent on est contrôlé par un agent et le procès-verbal il est fait par quelqu'un d'autre. Alors surtout lorsqu'il y a les contrôles radars, est-ce que c'est normal? Alors les contrôles radars, bah, vous avez forcément, donc si c'est surtout à l'ancienne, on avait le fameux hibou là, vous avez donc la personne qui tient le hibou dans la main et qui va constater votre excès de vitesse. Il est logique que ce véhicule ne peut pas se déplacer parce que pour installer un radar, un cinémomètre, il faut un certain angle, il faut certains calculs, etc., un certain temps. Donc si à chaque fois qu'il attrape une voiture et qu'il doit se déplacer, il va pas pouvoir en faire beaucoup dans la journée. Donc il y a un peu plus loin un dispositif, notamment fait par les motards, qui vont intervenir pour pouvoir vous interpeller après le constat par celui-ci. Donc c'est un petit peu normal qu'il y ait quand même un travail en équipe. Donc après cette loi qui dit que l'agent qui constate doit être l'agent verbalisateur, je ne me souviens pas en tout cas que cette loi soit encore à l'heure actuelle d'actualité. Hein. Donc notamment par ce genre de dispositif. Sachez toutefois que les gendarmes ou les policiers sont des personnes assermentées, donc qui peuvent très bien travailler en équipe. Je suis bien d'accord avec vous, mais s'il y a une loi qui dit que c'est l'agent qui constate l'infraction qui doit rédiger le procès-verbal, c'est que... Et moi, à chaque fois qu'on m'arrête dans ces cas-là, je demande à ce qu'on mette que l'agent qui a constaté l'infraction n'est pas celui qui a rédigé le procès-verbal. Et du coup, je ne reçois pas le procès-verbal. Maître comme l'endivier. Oui. Il faut distinguer deux choses, effectivement. Il y a les radars automatiques pour lesquels... Évidemment, l'agent verbalisateur se trouve à Rennes, puisque vous savez que c'est le contrôle automatisé des infractions qui s'occupe de cela, et le siège social de cet organisme se trouve à Rennes. Donc évidemment, le radar automatique... Il y a toujours de l'humain, si vous voulez, même derrière le robot, il faut le comprendre. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a des flashs qui sont faits, ces flashs-là, ces photos sont analysées dans une pièce, hein, tout simplement, dans laquelle se retrouvent plusieurs agents verbalisateurs qui vérifient si le véhicule... la plaque d'immatriculation est bien visible, qui vérifie qu'il n'y ait pas deux véhicules sur la même photo, puisqu'à ce moment-là, on ne pourrait pas déterminer lequel des deux est en infraction, etc. Et puis, lorsque vous êtes intercepté, vous avez raison de dire. Alors, la loi n'est pas formulée telle que vous le dites, mais le procès-verbal ne peut avoir de force probante, c'est l'article 429 et 537 du Code de procédure pénale, vous pourrez aller vérifier cela, qui dit que ne pas avoir de force probante que si l'agent verbalisateur a pu constater ou par témoin, etc., que l'infraction a eu lieu. Et ça prend une ampleur assez importante s'agissant des contraventions que l'on connaît de première à quatrième à cinquième classe, puisque à ce moment-là c'est un vice de forme qui pourrait être soulevé devant l'OMP puis devant la juridiction compétente. Donc votre remarque est intéressante. Il faut toujours que sur le procès-verbal il y ait une mention substantielle qui est le nom soit du matricule, et enfin il faut que l'agent verbalisateur soit identifiable soit par son nom, prénom et grade d'ailleurs, ou soit par son numéro de matricule. Et soit par son numéro de matricule. Si le numéro de matricule apparaît, la Cour de cassation a décidé que c'était suffisant. D'accord. Alors juste une demande pour les motards de Saint-Pierre, s'il vous plaît, le samedi soir et le dimanche, arrêtez lorsque vous êtes stationné sur le parking de faire ronfler votre moteur comme des malades, parce que ça énerve tout le monde et je vois pas à quoi ça sert. Merci. Et rappelons-le, c'est une infraction également. Merci beaucoup. Aussi, au code de la route. Aussi, merci, à très bientôt. Jean-Luc, bonjour Jean-Luc. Bonjour vous tous sur le plateau. Bonjour. Oui, moi je voudrais intervenir sur l'hypocrisie du terme sécurité routière. Je m'explique. Il se trouve que par ma profession, j'ai installé des limiteurs de vitesse sur les véhicules depuis les années 70. Et des véhicules de la fonction publique, j'entends. Donc, on nous dit que la vitesse est un facteur aggravant. Je me pose la question, avant de poser ces fameux radars, n'aurait-il pas mieux fallu d'imposer les limiteurs de vitesse. Donc, on n'aurait pas eu tous ces accidents par excès de vitesse. Second point que j'aimerais souligner, c'est ces fameux panneaux publicitaires assez souvent subjectifs dans les carrefours, les ronds-points dangereux. Troisième point, c'est là, on fait la chasse au cyclo. Et les kits de gonflage sont en vente libre. Alors, je ne comprends plus. Et là, on ose appeler ça sécurité routière. Ça fait un paquet de choses, ça, Jean-Luc. Oui, alors, Richard Barret, expert en gestion des risques. Juillet ou juin 1994, les kits de gonflage ont été interdits à la vente libre, uniquement à la compétition, sous présentation donc d'une licence de compétition, groupe 1, groupe 2, groupe 3, pour ceux qui font du scooter ou autre. Donc, ils ne sont plus en vente libre, mais il faut présenter une licence de compétition. Voilà, donc pour ceci, concernant les limitateurs de vitesse, je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a quelque chose que j'ai soulevé il y a déjà quand même quelques petites années. Alors, vous avez une différence entre le régulateur de vitesse et le limitateur. Le régulateur, c'est quand vous allez arriver à la vitesse maximale que vous avez programmée, il va y avoir un petit bip, un sifflement, qui va vous rappeler que vous risquez de dépasser la vitesse autorisée. Et le limitateur... Le régulateur, oui, en même temps, donc ça, il y a plus besoin d'accélérer, Vous allez rester, par exemple, si vous programmez à 90, vous restez à 90 km/h. Le limitateur, lui, il va vous limiter. Vous mettez 90 km/h. Quand vous arrivez à 90, c'est bloqué. Sauf si vous accélérez d'un coup plus fort. Bon. Alors, il est vrai que maintenant, nous avons des dispositifs tels que... Vous parlez à un technicien qui est installé, hein. Jean-Luc a installé des limitateurs. Non, mais ça, c'est pour rappeler voilà, je veux rappeler aux auditeurs, essentiellement. Donc, il y a maintenant, donc, des technologies comme, par exemple, les GPS. On pourrait très bien, les GPS vous annoncent quand il y a des radars automatiques, par exemple. Donc, on pourrait très bien coupler un GPS avec un limitateur qui va faire que partout où vous allez, dans un endroit en France ou n'importe où en Europe, le limitateur se programme naturellement en fonction des changements de limitation de vitesse. C'est quelque chose qui est technologiquement faisable. On ne le fait pas. C'est ça la question qui me perturbe moi aussi. Pourquoi on ne le ferait pas? Puisque ça résolverait énormément ce problème de vitesse qui est facteur aggravant. Et le panneau publicitaire? Et les panneaux publicitaires. Alors là, oui, on a constaté en effet que en sortie des centres commerciaux, en sortie de virage, quand il y a par exemple des publicités pour les lingeries féminines, il y a beaucoup de voitures qui se retrouvent dans le fossé à proximité du panneau publicitaire. Sachez que vous avez deux types de regards. Vous avez le regard de placement et le regard donc de direction. Le regard de placement, c'est ce qui vous permet de voir latéralement sans avoir à regarder directement, et le regard de placement de direction. C'est le regard qui vous dirige. Vous allez là où vous regardez. Donc, ces panneaux publicitaires, en effet, qui sont mis juste à la sortie d'un virage, dans certains cas, attirent le regard de certains messieurs et qui les emmènent dans les fossés. C'est vrai que c'est aussi un petit lobbying publicitaire qui fait que, dans ces endroits-là, on voit le mieux ces panneaux, on va les installer là, au détriment de la sécurité routière. Et, en effet, c'est une étude qui a été faite, qui a été commandée et qui commence à porter ses fruits par rapport à cela. Vous avez bien fait de le soulever, d'ailleurs. Merci Jean-Luc, merci beaucoup. Maître Comlandivier, une réaction? Oui, sur les limitateurs de vitesse, oui. Mais aussi sur les panneaux publicitaires. Sur les panneaux publicitaires, je crois que tout a été dit. Sur les limitateurs de vitesse, c'est intéressant la remarque. Alors toutefois, ça ne résoudrait pas le problème si on estime qu'en France, la vitesse doit être maximale de la 130 sur les autoroutes. Ça ne résoudrait pas, pardon, le problème lié aux infractions de vitesse pour des limitations à 50 par ailleurs. Or, on le sait, hein, c'est là où il y a justement les points les plus accidentogènes, où les piétons sont les plus vulnérables, c'est évidemment dans les zones résidentielles et en agglomération. Ça, c'est le premier point. Alors, par ailleurs, il y avait une auditrice tout à l'heure qui faisait des remarques justement sur les vitesses en ligne droite, etc. Sachez tout de même qu'il y a un projet de loi là qui est à l'Assemblée nationale qui fait un petit peu froid dans le dos puisqu'on nous propose avec un article nouvellement, alors ce projet de loi, hein, donc oui, par définition, ouais, qui n'est pas adopté et qui nous dit que les agents compétents pour rechercher et constater les infractions au présent code, donc c'est-à-dire tous les agents des forces de l'ordre, qu'ils soient policiers ou gendarmes, ont accès aux informations et données physiques et numériques embarquées du véhicule afin de vérifier le respect des prescriptions fixées par le présent code. Donc c'est une sorte de brick browser qui va s'installer sur nos routes avec des dispositifs qui vont permettre aux agents et verbalisateurs de vérifier si à tout moment, ou pas simplement sur les faits qu'ils ont constatés eux-mêmes, mais si à tout moment vous avez respecté les limitations liées au code de la route. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Maître Comme-Landivier, avocat du permis de conduire. Merci à Richard Barret, expert en gestion des risques. À très bientôt sur la première. Votre trajet en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Yves, c'est à vous. Tampon au 10e rond-point, donc en haut de la rue du Tampon, la circulation qui se fait relativement correctement. Donc pour atteindre le rond-point des Chandelles, le rond-point des Azalées, la descente du Tampon, c'est correct dans les deux sens. Attention, il y a des travaux sous l'échangeur de Bel Air, sur cette route qui arrive de la pointe et qui s'en va vers l'échangeur et à la ligne des 400, donc attention à cette contrainte. La circulation dans l'ouest qui va nettement mieux, puisque c'est au niveau de l'échangeur de Belmen pour une zone de ralentissement, mais à hauteur de l'échangeur pour le moment. Fin de la route des Tamarins. Pour l'entrée ouest, c'est sous le tunnel du Cap Bernard. L'accident est terminé au niveau du boulevard Jean Jaurès. Il y a encore un peu de monde à la sortie de la tranchée couverte côté mer. Et puis, côté est, la circulation se fait normalement. Il n'y a plus de ralentissement, un trafic simplement dense pour atteindre le front de mer de Saint-Denis. Attention aux 500 marmailles ce matin des écoles de Saint-Benoît, y compris jusqu'à Petit-Saint-Pierre. Tous ces enfants vont rejoindre la rivière des Roches, la berge de rivière des Roches, dans le cadre du petit tour à vélo organisé par l'UCEP. Bon courage et bonne route. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Après le journal de France Info, retrouvez la belle équipe des experts de la relation de voisinage. Et ce matin, nous aurons aussi le plaisir d'accueillir un géomètre expert. Un bornage mal fait, c'est aussi source de problèmes. Le journal de France Info, il est 9h sur la première. Après une semaine de chaos, l'heure est à la décrue et au grand nettoyage après les inondations. Exemple, dans un instant, en direct de Nemours, l'une de ces communes qui était sous les eaux. C'est aussi l'heure des comptes après les inondations. La facture s'annonce salée, l'heure des leçons à tirer aussi pour éviter le pire. La prochaine fois, le point dans le journal. Sur le front social, une nouvelle semaine de mobilisation. Et à 4 jours de l'euro, la grève continue, notamment à la SNCF, avec une réunion décisive aujourd'hui, sans compter la mobilisation contre la loi travail. L'accident de train d'hier soir en Belgique a fait au moins 3 morts. Les dernières informations à Bruxelles dans le journal et le tennis. Une victoire pas comme les autres hier pour Novak Djokovic, enfin sacré sur la terre battue parisienne à Roland-Garros. France Info. Jean-Christophe, l'heure est à la décrue après la phase critique des inondations de la semaine dernière. Et un premier exemple tout de suite à Nemours, en Seine-et-Marne. C'est l'une de ces villes très touchées par la crue exceptionnelle du Loing. Alors, où en est-on ce matin? On est en direct sur place avec l'envoyé spécial de France Info, Gaël Joly. Gaël, vous êtes en ce moment dans le centre-ville de Nemours. Et la bonne nouvelle, c'est que ce matin, là où vous êtes, on a enfin les pieds au sec. Oui, même s'il reste encore un peu de boue et les gens partent au travail chaussés de leurs bottes en plastique. Dans certains quartiers autour de Nemours, on a vu encore de belles flaques d'eau. Mais ce qui frappe ici dans le centre-ville, ce sont tous ces déchets entreposés devant chaque maison, chaque porte d'immeuble. C'est toute la vie des gens qui s'étale sur les trottoirs, des chaussures, des livres mouillés, des fers à repasser. À deux pas de la cathédrale, sur le trottoir pavé, à l'entrée de son kebab, Sinan fait sécher ses tables, ses chaises, sa vaisselle et surtout ses machines à rôtir la viande. Tout a été noyé par la crue, 30 000 euros envolés en fumée. C'est humide partout. Là, il y a de la boue partout. Les machines ont tout pris l'eau. Toutes les machines, elles sont mortes. Je suis allé voir l'assurance, ils m'ont dit de prendre des photos et ils vont mettre du temps à passer. Alors nous, on ne peut pas se permettre d'attendre. On a les fournisseurs qui nous réclament l'argent, on a tout. Et pour l'instant, on met tout de notre poche, quoi. Pour redémarrer, ça va être très très dur. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a rien. À Nemours, comme dans les communes voisines, les élus attendent beaucoup de la réunion à Matignon avec les assureurs. Pierre Babu est le maire de Souppes-sur-Loing. Il ne veut pas voir ses derniers commerces mourir. J'attends de l'État que les consignes qu'il a données aux assurances soient respectées. Parce qu'on n'a plus de commerce. Tous nos commerces sont par terre. C'est indispensable. Il faut que le moteur économique de la ville se remette en route immédiatement. C'est pas dans un mois. Dans un mois, ces gens-là seront morts. On s'aperçoit malheureusement qu'il y a déjà des assurances qui commencent à donner des délais aux gens. Ça, c'est pas supportable. Dans son kebab, Sinan sait qu'il lui faudra des mois pour se relever. Une cellule d'aide psychologique ouvre ses portes ce matin à Nemours. Et Gaël Joly en direct de Nemours pour France Info avec Jean-Marie Porcher pour les moyens techniques. Voilà pour la Seine-et-Marne, direction la Normandie où la crue de la Seine restait limitée. L'alerte rouge a été levée dès samedi soir dans l'Eure et la Seine-Maritime, mais 14 départements restent en vigilance orange inondation ce matin dans le centre et en Ile-de-France. À Paris, le niveau de la Seine baisse tout doucement depuis maintenant 48 heures. Le bilan humain de ces intempéries est de 4 morts et 24 blessés en une semaine. Des centaines de millions d'euros, sans doute plus d'un milliard de dégâts, les crues les plus dévastatrices dans le bassin de la Seine depuis une trentaine d'années. Et encore, on a évité le pire, la fameuse crue centennale. Anne-Laure Barral. En plein Paris, la Seine est montée de 4 mètres de plus que son niveau habituel au printemps. Mais la crue centennale, celle qui a une chance sur 100 d'arriver chaque année, aurait fait grimper l'eau d'encore 2 mètres. Et là, les difficultés seraient bien sûr plus grandes dans les rues, les transports, pour les hôpitaux, les réseaux électriques ou d'assainissement. Si l'exercice de simulation de crue centennale fait au mois de mars a montré que l'alerte avait plutôt bien fonctionné, il a aussi prouvé que les principales difficultés seraient de tenir longtemps avec un niveau haut du fleuve. Comment faire sans passage des ordures ménagères, sans électricité, eau potable, sans ambulances qui peuvent circuler pour gérer l'après-crise ? En 1910, la Seine n'avait retrouvé un niveau normal que 2 mois. Après son pic. Et côté gouvernement, Manuel Valls réunit ce matin au ministère de l'Intérieur ses collègues directement concernés par la situation. Le Premier ministre qui est ensuite attendu à Montargis dans le Loiret, l'une des villes particulièrement touchées. Au total, des centaines de communes ont été frappées, des gares inondées, des milliers d'entreprises et de commerces affectés, sans oublier les agriculteurs et les particuliers. Pour simplifier et accélérer l'indemnisation, la secrétaire d'État à l'aide aux victimes, Juliette Méadel, réunit de son côté ce matin les assureurs. Elle leur a demandé un effort sur les formalités. Demain, ce sera au tour du ministre de l'économie de réunir les responsables à Bercy pour évaluer les conséquences économiques pour les entreprises, des intempéries, mais aussi des mouvements sociaux. 7h05 sur France Info et justement à la SNCF, la grève continue avec un dernier rendez-vous direction syndicat aujourd'hui. Une ultime séance de discussion sur l'organisation du temps de travail au 6e jour de grève à la SNCF, le 11e depuis le début de l'année. Côté prévision, un léger mieux attendu avec 6 trains sur 10 en moyenne pour les TGV et les TER. Mais trafic toujours très perturbé pour les intercités, 1 sur 3 seulement. Et pour les transiliens, 1 sur 2. Un mouvement catégoriel à la SNCF qui s'ajoute au mouvement anti-loi travail. Les salariés des centres de déchets, du secteur de l'énergie, des raffineries ou de la RATP seront encore mobilisés cette semaine. Et à Air France, pour leurs propres revendications, les pilotes sont aussi appelés à une grève de 5 jours à partir de samedi. Dans ce contexte, François Hollande l'a redit hier soir, personne ne comprendrait que les grèves empêchent les spectateurs d'aller tranquillement dans les stades de l'Euro 2016. Le coup d'envoi, c'est vendredi et François Hollande a été très clair hier soir sur France Inter. Il faut en finir avec le conflit actuel. On progresse pour retrouver une issue et je pense que personne ne comprendrait que les trains ou les avions, pense au conflit des pilotes à Air France, puissent empêcher le bon déroulement, non pas de la compétition, elle n'a rien à craindre, mais le bon déroulement de ces déplacements pour les spectateurs. François Hollande hier soir chez nos confrères de France Inter. Le train encore et cet accident qui a fait 3 morts hier soir en Belgique. Au moins 3 morts et une quarantaine de blessés. Une collision entre un train de voyageurs et un train de marchandises entre Namur et Liège à Bruxelles pour France Info. Les précisions de Quentin Dickinson. Il était 23h03 lorsqu'un train de voyageurs assurant la liaison entre Moucron et Liers sur la ligne 125 qui traverse la Wallonie de part en part a percuté à 90 km/h l'arrière d'un convoi de marchandises qui se trouvait sur la même voie, laquelle longe la Meuse à hauteur de Saint-Georges. Sous la violence du choc, les 2 premières voitures, sur les 6 qui composaient la rame, se sont soulevées et éventrées, se sont couchées sur le flanc. Les opérations de désincarcération se sont avérées particulièrement délicates. La cause de la collision n'est pas encore déterminée, mais ce canton de voie est en travaux. On ignore également si cette catastrophe ferroviaire a ou non un rapport avec les mouvements de grève dans les chemins de fer belges. Un centre de crise a été installé au commissariat de la localité voisine d'Amé. Les voyageurs indemnes et les blessés légers ont été évacués sur la salle polyvalente de l'école primaire de la Bille de Flône, où une cellule de soutien psychologique les prend en charge. À Bruxelles, Quentin Dickinson, France Info. En Italie, après le premier tour des municipales hier, le mouvement 5 étoiles du comique Beppe Grillo est largement en tête à Rome, plus de 36% des voix pour sa candidate Virginia Raggi. Un avertissement pour le Parti démocrate du président du Conseil, Matteo Renzi, dont le candidat est distancé, tout comme la candidate de l'extrême droite. La famille de Mohamed Ali a rapatrié hier la dépouille du boxeur de légende à Louisville, dans le Kentucky, sa ville natale, où ses obsèques seront célébrées vendredi. L'hommage public, probablement mondial, va se dérouler avec une grande procession à travers les rues de Louisville, baptisé depuis déjà longtemps du nom de l'icône locale, avec la possible présence de Barack Obama, et on sait déjà que Bill Clinton prononcera une partie de l'éloge funèbre. Et puis lui fait son entrée parmi les plus grands de son sport, victoire au goût particulier pour Novak Djokovic à Roland-Garros. Et oui, parce qu'il s'est offert le seul titre du Grand Chelem qui manquait encore à son palmarès, une victoire en 4-7 hier sur Andy Murray. Novak Djokovic détient désormais les 4 titres majeurs, un exploit rarissime dans l'histoire du tennis. À Roland-Garros, pour France Info, Fabrice Abgral. Novak Djokovic ne le cache pas, il veut devenir le plus grand joueur de tous les temps. Et à ce rythme-là, il risque bien d'y parvenir. Djokovic totalise désormais 12 titres du Grand Chelem, dont 6 obtenus sur les 8 derniers tournois majeurs qu'il a disputés. C'est purement phénoménal. Hier, Novak Djokovic est entré au Panthéon du tennis en devenant le 8e joueur de l'histoire à avoir remporté les 4 titres du Grand Chelem. Il rejoint notamment Agassi, Nadal, Federer et Rod Laver. Rod Laver qui, lui, avait gagné les 4 titres la même année. En 1969, Djokovic a réussi la même performance, mais lui, à cheval sur 2 saisons. Toutefois, sur sa lancée, il pourrait très bien, cette année, ajouter à cette performance un autre exploit, celui de remporter les 4 titres la même saison, comme Rod Laver à son époque. Mais le numéro 1 mondial ne veut pas s'arrêter là, il n'est plus qu'à 2 titres du record de Nadal et à 5 du record absolu de Federer. Djokovic s'est fixé un dernier objectif, devenir champion olympique à Rio, le seul titre désormais manquant à son palmarès. Le rugby, avec une petite surprise hier, la qualification directe de Toulon, qui rejoint Clermont en demi-finale grâce à une large victoire de Toulon, 44-3 sur Bordeaux-Bègle. C'était la dernière journée de la phase régulière du top 14. Et le cyclisme, Alberto Contador a pris la tête du classement du Critérium du Dauphiné, un événement en France Info, un prologue qui se courait au Gé hier en Haute-Savoie, à moins d'un mois du Tour de France. Contador premier devant l'Australien Richie Porte et le Britannique Chris Froome. C'était le journal de Jean-Christophe Martin. L'info revient à 10h. Il est 9h10 sur Réunion Première. À suivre votre émission Les Experts, et on va s'intéresser ce matin aussi au bornage. Ouh là là là, le bornage. Un bornage mal fait, ça peut diviser, hein, ça on est bien d'accord. N'hésitez pas à joindre le standard de la Première, 02 62 99 2000. Alors les prévisionnistes de Météo France qui parlent d'un beau début de semaine avec une matinée ensoleillée sur l'ensemble de notre île. En revanche, en cours de journée, les pentes et les hauteurs de la Réunion seront sous les nuages. C'est du beau gris sur les hauts du chef-lieu, de la pluie dans l'intérieur avec de belles éclaircies pour les plus hauts sommets et pour le littoral. Au menu de l'émission Les Experts, votre émission de service, le bornage, les règles de mitoyenneté, l'écoulement des eaux pluviales, vos droits de propriétaire, vos devoirs également. Vous avez jusqu'à 10h pour poser toutes les questions au 02 62 99 2000, 06 92 608 335 pour les textos. Les experts de Réunion Première, 0262 99 2000. Réunion Première. Gigi Hassad sur la Première. fini pam pam. Après les fesses tam tam, des pam pam, boudu du pam pam. Après les fesses tam tam, tam tam, quand fini pam pam. Après les fesses tam tam. Et sur l'écho des vents, sur l'écho derrière. Les tournées, les tournées. Ils mettent son corps devant, mais son corps derrière. Les tournées, les tournées. Mais sur l'écho des vents, sur l'écho derrière. Les tournées, les tournées. Experts, votre émission de service jusqu'à 10h sur la première. Les questions, les réactions au 02 62 99 2000. Première. L'énigme. L'énigme. L'énigme. J'ai bugué. 15h, 18h. Ouais, ouais, bébé, tout la vie. Le 15-18. Du lundi au vendredi. Tous les après-midi. Ça se passe comme ça. Isabelle Waraud, Mickaël Lorette. Sur Réunion Première. Première. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montané. On a eu raison de choisir aussi parmi les thèmes de ce matin le bornage, parce que ça réagit au standard de la Première. Nous accueillons nos experts, Cyril Vélan, le président de l'Ordre des géomètres experts. Bonjour. Bonjour Claude. Merci d'être avec nous. Jean-Paul Constancin du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi ça divise autant et pourquoi ça fait autant polémique, Cyril Vélan, le bornage ? Le bornage d'une procédure mise en place à la demande d'un propriétaire qui a besoin d'établir un projet, souvent sur son terrain, on est confronté à, faut le dire, à souvent la mauvaise foi des gens, des riverains, à la jalousie. Hein. Il y a une chanson bien célèbre à La Réunion. Quand je suis arrivé ici, j'avais du mal à comprendre pourquoi on chantait aussi bien ce thème, mais c'est souvent révélateur des problèmes de voisinage. Il y a aussi le fait qu'à La Réunion, les parcelles sont très très petites et que chacun est très très attaché à son petit... Même pour quelques centimètres, quelques millimètres, oui, peut-être, oui, j'ai envie de dire. On est parfois en litige pour quelques centimètres, oui. Quelques centimètres. Et des opérations de bornage ne se concluent pas pour quelques centimètres revendiqués par là où on est les voisins, ou une demi-épaisseur de mur. Voilà. Donc, une opération amiable de bornage qui, à l'origine, peut être quelque chose d'assez simple, qui doit déboucher sur une procédure simple et qui doit satisfaire tout le monde, peut en fait se terminer par... après une procédure au tribunal parce que ça revendique quelques centimètres de terrain. Parce que ça peut aller très loin, évidemment. Donc, avant d'accueillir Marie-Céline de Saint-Philippe pour parler de bornage, Jean-Paul Constancin du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, votre sentiment, vous, parfois, sur ces discussions qu'il y a autour d'un bornage? Oui, bien. C'est mésentente aussi, attention. Oui, et on a l'impression qu'on leur arrache un bras quand on veut leur faire reconnaître et signer et attester qu'une borne passe bien ici. Des fois, avec la bouche, ils sont d'accord, mais pas pour signer. C'est comme ça. Alors, non, parce qu'ils ont l'impression de s'engager, qu'on cherche à les avoir. Donc, voilà. Et c'est des histoires à non plus finir. Les choses peuvent pourrir et... C'est là que c'est pas bon. Et c'est pas bon de laisser des situations à nos héritiers. S'aggraver, oui, absolument. Il faut leur laisser une situation saine. Marie-Céline de Saint-Philippe. Bonjour Marie-Céline. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Allez-y. Oui, voilà. J'ai un droit de passage. Un droit de passage, oui. Un droit de passage. Oui. Et dans ce droit de passage, les voisins font couler leurs égouts et leurs eaux pluviales dans ce droit de passage. Dans le droit de passage. Oui. Oui. Donc je voulais savoir... est-ce qu'ils ont le droit ? Ils ont pas. Je sais qu'ils n'ont pas le droit. Mais je veux avoir la certitude, quoi. Mais alors, ça fait combien de temps que ça dure, votre histoire ? Oh ben, ça fait, on va dire, 25 ans, oui. Mais comment ça se fait, Marie-Céline, je pose la question, pourquoi ça dure autant d'années? Comment vous n'avez pas réagi avant, etc. Enfin, éclairez-nous, s'il vous plaît. Ah, comment? Bon, on essaye à chaque fois de leur parler, de dire, ben écoute, ça se fait pas. On tient, on attend. Et puis après, là, ça déborde, quoi. Parce que là, ce droit de passage, on va l'utiliser encore plus souvent encore, parce que j'ai des enfants qui vont passer là. Et c'est pour ça que là, qu'on on relève, quoi. Ça fait quand même 25 ans que ça dure. Oui. Cyril Vélan, président de l'Ordre des géomètres experts, sur le cas de Marie-Céline. Alors, si je comprends bien, vous concédez un droit de passage à une parcelle qui est derrière vous, c'est ça? Devant. Oui. Moi, je dois l'emprunter pour aller sur la route nationale, quoi. D'accord, ok. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une servitude de passage concédée pour une propriété qu'on va appeler fonds dominant englobe aussi des droits accessoires. Donc, le passage en véhicule pour accéder à sa propriété et pour jouir normalement de sa propriété est tout à fait normal et sûrement conventionné dans votre acte. Mais en plus du passage, il y a aussi tout ce qui est accessoire au passage. Et entre autres, les réseaux sont compris dans la servitude de passage. Alors, maintenant, ils ne sont pas compris de n'importe quelle façon. Les réseaux. Évacuation pluviale ou usée. Bon, il est bien entendu que tout ça ne doit pas être aérien, ne doit pas couler à la surface de la servitude, et que des travaux doivent être réalisés pour que ces réseaux n'incommodent personne et qu'il n'y ait pas de nuisance sur les fonds qui les supportent. Voilà. Mais sachez que la servitude de passage ne se résume pas au simple fait de passer à cet endroit-là pour accéder à une parcelle à des enclavés, mais qu'elle englobe aussi la possibilité de faire passer les réseaux pour la parcelle qui bénéficie de ce droit. Jean-Paul Constança. Oui, tout à fait. Non. Et on ne peut pas faire autrement. Et voilà. Sauf s'il y avait d'autres... situation par situation, on peut voir peut-être que les réseaux peuvent passer ailleurs éventuellement, mais c'est inclus, même si c'est pas marqué dans le droit clairement, c'est annexe. C'est un droit accessoire. Voilà. Ouais. Sauf que Marie-Céline, vous préparez l'avenir, c'est ça, parce que vous parlez de vos enfants. Oui. Parce que c'est en pleine dégradation en plus, la parcelle, le droit de passage. Ça détériore parce que tous les égouts qui descendent, ils ramènent des choses dans le chemin. Et puis voilà quoi. Là, je pense qu'il faut voir qui c'est qui a en plus de l'usage, mais qui c'est qui a l'entretien à sa charge de cette servitude. Alors, sûrement, vous n'êtes pas le seul. Ah, elle dit, Marie-Céline dit que c'est elle. Ah oui. Ouais. Bah, si c'est vous qui en avez l'entretien et l'usage. Il faut voir après avoir des travaux pour canaliser ces eaux sales ou pluviales. Alors peut-être en accord avec le propriétaire au-dessus, à voir. Mais il y a peut-être une convention à passer entre vous de façon à ce que cette servitude soit utile et utilisable par chacun sans qu'aucune des propriétés n'en soit affectée et qu'elle subisse des nuisances. Vous savez très bien, si je vous appelle, c'est parce que on a déjà essayé de... C'est parce que vous n'avez pas vraiment trouvé la solution, là. Exactement. Alors là, c'est... Parce que là, leur parler pour dire, ça c'est pas faisable, il faut chercher une autre façon de le faire, ça c'est plus possible. On a essayé maintes et maintes fois, donc... pour eux, ils ont le droit, c'est normal. Et moi, ce que je leur ai dit, ramenez vos eaux usées chez moi, carrément. Pour que ça soit plus simple. Et on parle bien des eaux usées, là. Oui, des eaux usées et eaux pluviales de chaque côté. Mais Jean-Paul Constança. Elles sont en surface, ces eaux usées, ou elles sont canalisées? Non, en surface. Ils ont fouillé un trou dans le mur et l'eau coule chez moi. Oui, donc en fait, ça n'est pas une histoire de droit de passage, c'est une histoire sanitaire aussi. Tout à fait. Tout à fait. Ça peut tomber sur le coup d'une autre législation. Oui. Marie-Céline, alors là, c'est vraiment problématique, parce que là, vous avez apparemment tout essayé. Oui, bien sûr. Moi, j'ai essayé de boucher le trou carrément. Ils sont venus, ils ont recassé. Je crois que c'est pas la bonne solution. Hein. Non. Oui. De toute façon, c'est celui qui a l'usage et qui bénéficie du droit de passage qui en doit l'entretien, mais il en doit l'entretien dans les règles. pas des égouts à ciel ouvert. Voilà. Messieurs les experts, alors que doit-elle faire en priorité, dans l'urgence, là? Faire constater la nuisance par voie d'huissier. Oui. Et puis intenter une procédure judiciaire si effectivement la nuisance est constatée. Pour que la force judiciaire lui impose aux riverains de mettre aux normes leur installation sanitaire, on va dire. Parce que là, c'est vraiment un problème sanitaire, de façon à ce que chacun puisse jouer normalement de sa propriété. Ouais. D'accord, Marie-Céline? D'accord. C'est la solution. Bon courage, parce que je sais que c'est pas simple et c'est pas facile, oui. Ça. Hein, oui, de supporter ces nuisances-là. Merci, à très bientôt. Merci. Le bornage, les règles de mitoyenneté, l'écoulement des eaux pluviales, vos droits de propriétaire. Nous avons jusqu'à 10h avec nous des experts. Cyril Vélan, président de l'Ordre des géomètres experts. Jean-Paul Constantin du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Les questions au 02 62 99 2000. Profitez de la présence de nos spécialistes. Et puis par SMS au 06 92 608 335. Quand j'ai froid, elle se fait lumière, comme un soleil dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière, elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi. Quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle, elle sera toujours ma merveille. Quand je ne suis pas à la hauteur, elle m'élève plus haut que le ciel. C'est son sang qui coule dans mes veines, et des souvenirs par centaines versent mon cœur de mille étoiles. Elle est ma quête, elle est mon graal. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Quand je me blesse, elle est douceur, comme une caresse dans l'existence. Quand j'abandonne, elle devient lionne et me relève avec patience. Quand j'ai la folie des grandeurs, elle me ramène sans me faire mal. Elle est dans ce monde infernal, mon étoile parmi les étoiles. Oh mon Dieu, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'apportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Le meilleur de la musique avec Angie Girac, les yeux de la mama sur la première. 8h, 10h. Allô première, Claude Montanet. Vous êtes très nombreux hein, par SMS au 06 92 608 335 pour nous dire que parfois vous remettez un petit peu en cause, en doute, le bornage réalisé. Cyril Vélan, président de l'Ordre des géomètres experts, qui est avec nous. Également Jean-Paul Constantin du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Alors Cyril Vélan, si on n'est pas d'accord avec un bornage réalisé, que doit-on faire? Si on n'est vraiment pas d'accord. La procédure de bornage amiable est assez simple. Le géomètre expert, à la demande d'un propriétaire qui le demande, va d'abord convoquer l'ensemble des riverains qui touchent cette parcelle en question. Oui. Et après avoir étudié l'ensemble des documents qu'il aura pu récolter, les actes, les plans de bornage, toutes sortes de documents dont il aura connaissance et qu'il aura étudié, va proposer aux propriétaires et aux riverains concernés les limites qui lui semblent les plus plausibles au vu de l'ensemble des documents qu'il a analysés. Toutefois, on n'est pas dans une procédure judiciaire, le géomètre expert n'est pas un juge. Pour l'instant, on n'est pas voilà, sur tout à fait. Ouais, d'accord. Donc, le géomètre expert ne fait que proposer des limites, en argumentant bien entendu ses propositions, à la fois une argumentation technique mais aussi juridique. Mais libre aux propriétaires d'accepter, aux propriétaires riverains, d'accepter ou refuser les propositions qui sont faites. Ouais. Encore une fois, on n'est pas juge, donc on ne peut pas imposer. Ouais, ouais. On ne fait que proposer. Et les propriétaires riverains, décident de oui ou non d'accepter ce qui est proposé. S'il accepte, la démarche amiable aboutit, signature d'un PV de bornage, ce qui fait la loi entre les deux parties à partir du moment de la signature, et ce qui permet à chacun d'avoir une limite fixé de façon juridique, bien et sûr, contradictoire, et qui enlève à l'avenir les problèmes. Si malheureusement il n'y a pas d'accord sur la limite, bien que l'ensemble des arguments techniques et juridiques aient été exposés de manière objective, dans ce cas-là, PV de procès-verbal de carence établi par le géomètre expert qui signifie que cette limite n'a pas pu aboutir à l'amiable, et dans ce cas-là, à la partie la plus diligente de faire valoir ses droits par devant tribunal d'instance de la commune où est la propriété. Jean-Paul Constantin du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, vous rencontrez là aussi parfois des... puisque vous tenez des permanences en mairie, hein, on est bien d'accord. Oui. Donc c'était un sujet qui revient sans cesse comme ça, sur le tapis, dans ces rencontres avec les réunionnais là, qui se déplacent et qui viennent vous rencontrer. Oui, c'est tout à fait récurrent, ça revient très régulièrement. Il y a les gens, ils ont par exemple en leur main un relevé, un extrait du plan cadastral, et pour leur expliquer que c'est pas ça qui compte, c'est réalité sur le terrain. Oui. Et que le cadastre, c'est juste un document fiscal, ça c'est juste fait pour faire payer des impôts aux gens. C'est pas non plus une preuve de propriété, c'est simplement le nom de la personne qui paye les impôts. Bon. Et la forme de la parcelle n'est pas du tout contractuelle. Voilà. Puisque vous parlez de payer des impôts, il y a Nicole de Saint-François, de Saint-Denis, qui nous dit, il envoie un message en disant que le droit de passage ou la servitude qui paie l'impôt, concernant le droit de passage, le propriétaire. C'est le propriétaire du terrain. C'est le propriétaire du terrain. Le propriétaire qui est souvent le fonds servant. D'accord. Donc celui qui est propriétaire de la servitude, qui l'utilise ou pas, mais qui permet au fonds voisin d'en bénéficier, qui est le fonds dominant, mais c'est le fonds servant souvent propriétaire, qui paye l'impôt foncier. Bon, maintenant l'impôt foncier, il est ce qu'il est, mais quand on est sur du bâti, l'impôt foncier sur le non-bâti est très faible par rapport au non-bâti. Donc, c'est pas... Il n'y a pas mort d'homme. Jean-Paul Constantin, oui. Oui, donc en fait, il y a l'aspect réalité sur le terrain qui est absolument irremplaçable, et seul un géomètre expert peut en quelque sorte figer les choses, et c'est opposable au tiers. Parce que, par exemple, après, quand vous faites une demande de permis de construire, quand vous avez des règles qui vous disent très clairement, soit vous construisez en limite de propriété. En limite de propriété, oui. Soit vous prenez 3 mètres de recul ou 4 mètres de recul suivant le secteur. Eh bien, c'est pas 20 cm de recul. C'est soit à 0, à 1 ou 2 cm près, quoi, aux précisions de mesure près. Mais c'est pas 20 cm. Or, je vois des gens qui, pour ne pas avoir de problème avec leurs voisins, abandonnent en quelque sorte 20 cm qui vont devenir un no man's land parce qu'ils considèrent que c'est à eux, que le voisin n'a pas le droit. Oui, mais vous savez pourquoi? Parce qu'on a besoin de tranquillité, puis on ne veut pas dormir, on ne veut pas d'histoire. Comment ça? Et c'est justement pas forcément une tranquillité. Ce n'est pas forcément une tranquillité. C'est une erreur qui, à terme, sera une grosse source de litige. Ah oui. Qu'on construise un bâtiment ou simplement un mur de clôture 10, 15, 20, 50 cm en retrait, à terme, c'est un no man's land qui est abandonné, qui, par voie de prescription, peut devenir la propriété du riverain d'ailleurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si on retrouve une borne à 50 cm de l'autre côté du mur, ou des éléments qui prouveraient que ce sera toujours objet de litige et de conflit, je déconseille, mais vivement, le plus vivement, faites vos clôtures en limite de propriété. La borne, par définition, est mitoyenne. Donc, la moitié de la borne chez le voisin, l'autre moitié de la borne chez vous. Faites vos clôtures en limite de propriété, mais ne construisez pas vos limites de clôture en retrait. C'est une erreur. C'est du terrain qui est perdu et qui, un jour, sera source de litige. Oh là là là là. Bon, alors, allez-y. Hein, n'hésitez pas à joindre Brandon au standard de la première. 02 62 99 2000. Nous sommes sur le bornage. Vous êtes en conflit en ce moment avec votre voisin parce que vous avez des doutes, vous émettez des doutes sur le bornage réalisé. N'hésitez pas aussi à nous laisser des textos au 06 92 608 335. Oui, Jean-Paul Constantin, donc vous êtes là également pour rappeler les droits de chacun, de chaque propriétaire. Les droits qui comportent aussi des devoirs et des obligations à chaque fois. Et voilà. Et par rapport à l'urbanisme, quand on a des terrains de plus en plus petits et où on est de plus en plus invité à construire en limite de propriété et non plus une maison en plein milieu d'une parcelle, eh bien donc quand on doit construire en limite de propriété, il faut le faire avec une certitude que c'est bien la bonne limite et il n'y a que le plan de bornage contradictoire qui s'impose. Ça me paraît tout à fait logique. Cyril Védan. Tout à fait. Partagé, oui. Tout à fait. Ne mégotons pas avec la définition des limites au préalable d'un projet. C'est ce qui vous garantira que le projet ne sera jamais remis en cause et qu'on ne vous obligera pas à casser un mur de clôture ou un mur de maison pour quelques centimètres. Parce que ça peut arriver. Nous prenons la direction de Saint-Pierre. 8h, 10h. Allô première, Claude Montané. Amélie de Saint-Pierre, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je téléphone, c'est pas pour moi personnellement. Oui. Je suis dans une copropriété où je suis copropriétaire, il y a 10 appartements. Et il y a un petit jardin qui est partie commune, qui pourrait servir aux enfants pour jouer. Autrement, il n'y a rien. Et un propriétaire s'est approprié ce petit terrain depuis 20 ans. Il l'a fermé, il a mis une porte et il le loue. Alors, je ne comprends pas que le syndic n'ait jamais rien fait pour essayer de faire supprimer cette porte et récupérer ce terrain. Alors, moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment on peut s'approprier, comme vous le dites, là, à l'instant, un morceau de terrain. Oui. Ça, alors, un grand morceau de terrain. Qui donne le droit? Enfin, voilà. Oui, Jean-Paul Constantin. Il n'y a jamais eu de droit, ça s'est fait au moment de l'achat. Ouais, et puis, Jean-Paul Constantin, et puis on entendra aussi Cyril Vélan. Mais le syndic est votre représentant, vous allez en Assemblée Générale. Justement, j'ai l'impression qu'il était plutôt en faveur de ce copropriétaire, parce qu'à chaque Assemblée Générale, on soulevait le problème et on disait que c'était pas possible, qu'il fallait récupérer ce terrain, surtout que c'est le seul accès à l'arrière de l'immeuble. Et donc, à cause de cette porte, on n'a jamais pu faire les réparations pour les descentes d'eau. Il y a eu des inondations et des infiltrations. Les inondations, parce qu'il n'ouvrait pas la porte. Eh oui, mais en fait, le syndic, c'est pas un juge ou quoi que ce soit, lui, il doit appliquer et faire appliquer les décisions de l'Assemblée Générale. Et ce n'est pas à lui de juger ou quoi que ce soit. Il est payé par vous pour être votre... Eh ben alors, en fait, il faut en changer. Je n'ai pas d'autre solution. J'ai même appris qu'il... Oui, je sais, on a changé. Ça y est, on vient de changer. Vous avez changé, d'accord. Avec beaucoup de difficultés, mais ça fait 20 ans qu'on paye les taxes pour ce terrain et que ce monsieur le loue tout à fait, légalement, à des locataires. Donc, il a son logement qui ouvre de ce côté-là et il s'est approprié ce terrain. Cyril Vélan, président de l'Ordre des géomètres experts. Les parties communes, par définition, sont communes, donc elles appartiennent à chacun. Chacun peut en jouir normalement selon ce qui est prévu dans le règlement de copropriété. Normalement, oui. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Oui. Alors, cette personne-là qui a englobé des parties communes à usage pour en faire un usage privatif, il est dans l'illégalité complète. Donc, effectivement, le syndic, soit il fait respecter le règlement de copropriété, soit vous en changez. Bon, vous en avez changé, j'espère que ça va aller dans le bon sens maintenant. Mais il est absolument pas admissible que des parties à usage commun, soit annexé à des lots privatifs pour en faire des opérations, et en plus pour louer et en faire du bénéfice. Là, on marche sur la tête. Oui, on marche sur la tête, comme vous dites, mais au contraire, le syndic, l'ancien syndic, justement, accompagnait ce propriétaire chez le notaire pour essayer d'arranger les choses pour qu'il puisse avoir ce terrain. Donc, il ne défendait pas du tout la copropriété, mais uniquement cette personne. Ceci dit, vous avez changé, donc c'est très bien. On verra après par la suite, d'accord? Oui. Oui, ben là, avec ce nouveau syndic, ça devrait aller plus vite. Mais, je l'espère. Mais le, je veux juste préciser, on a voté ça en décembre, fin mai, le nouveau syndic n'avait toujours pas eu les documents, le compte en banque et tout ça de l'ancien syndic. Donc il a dû utiliser un huissier pour que l'ancien syndic lui donne les papiers. Bon. Vous voyez où on en est, 20 ans après. Courage. Ça a duré 20 ans, cette histoire. Courage à Mébi. Merci. Bonne journée. À bientôt. Nous irons retrouver Jackie de Saint-Denis et puis Eric de Saint-Pierre. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montanet. Cyril Vélan, le président de l'Ordre des géomètres experts, Jean-Paul Constantin du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement sont nos spécialistes jusqu'à 10h. Eric, bonjour. Oui, bonjour Eric. Bonjour. J'avais une petite question là pour les mitoyennetés. Oui. Donc on a acheté une maison neuve qui était mitoyenne. Hein, et en fait, je me posais la question, si un jour je souhaitais repeindre la façade est de ma maison, est-ce que le voisin est obligé de me laisser l'accès pour refaire les peintures, hein? Jean-Paul Constantin, s'il oui. souhaite un jour repeindre la façade pas de la maison. Oui, oui. L'existence même de votre mur crée une servitude de tourne-échelle ou de tour d'échelle. Mmh. Et mais à vous éventuellement de vous mettre d'accord avec le voisin, parce que il va peut-être vous imposer de faire ça les samedis matins de 6h30 à 9h. C'est selon les disponibilités du voisin, oui. Tout à fait. Oui, oui, oui. Ouais. Mais il doit vous laisser l'accès et. Ouais. À charge pour vous d'éventuellement le dédommager si vous piétinez ses pieds de, bah oui, de bien rosier. Sûr. Bah, si vous mettez un peu de peinture sur ses roses, oui. Voilà, mais juste une autre question. Oui. Alors, est-ce qu'il peut s'amuser à peindre mon mur? Non, votre mur est votre propriété, il n'a pas à y toucher. Si le mur dont on parle est vraiment votre propriété exclusive, que ce n'est pas un mur mitoyen, mais que c'est votre propriété exclusive, il n'a pas ni à y mettre de la peinture, hein, ni à accrocher quoi que ce soit. C'est un mur mitoyen, nous dit Eric. Alors, c'est un mur mitoyen. C'est un mur mitoyen? Oui. Votre maison... La maison est dans l'alignement du mur de clôture, qui est mitoyen. Oui. Je ne suis pas sûr que le mur pignon de votre maison soit mitoyen. Que la clôture soit mitoyenne, ouais. Peut-être. Et en fait, on confond souvent, et même mitoyenneté moi, et limite, c'est pas tard, oui. Je fais par abus de langage, je parle de mitoyenneté, mais en fait, souvent on devrait dire en limite de propriété, oui. Mais en entièrement chez soi. D'accord. Voilà. Donc des fois c'est en limite de propriété, mais entièrement chez soi, et quand c'est en mitoyenneté, ça veut dire que la limite théorique passe au milieu du mur et que c'est pas la moitié du mur qui appartient à l'un, l'autre moitié qui appartient à l'autre, c'est la totalité du mur qui est une copropriété. Ouais, division. C'est de, voilà. Et en fait, si tel est le cas, oui, à la limite, il peut peindre. Si c'est vraiment une mitoyenneté, une vraie. Mais si c'est en limite de propriété et que c'est votre mur à vous, non. Moi, je ne vais pas m'amuser à peindre les voitures que je vois sur le trottoir. Ouais, parce que bon, lors de l'achat, il y a eu un PV de bornage qui est réalisé. Oui. Mais en fait, ce n'est pas précisé si c'est en mitoyen, le permis s'est posé en mitoyen ou en... Comment le savoir, Cyril Vélan? Logiquement, le PV de bornage doit être rédigé de telle façon que la propriété des murs doit apparaître sur le plan de bornage. Et littéralement, ça doit être décrit également. Donc, si vous avez un doute, je vous invite à me contacter et on analysera le document ensemble, si vous le voulez. Oui. Mais normalement, à l'issue du PV de bornage, la définition et la propriété des murs doit être parfaitement claire et établie. D'accord. Eric, merci beaucoup. Est-ce qu'un bornage amiable entre deux voisins, sans passer par un géomètre expert, a une valeur juridique, Cyril Bédan? Alors, deux propriétaires peuvent s'entendre par le biais, dont je dirais, d'un acte sous sein privé, une convention de bornage, où ils décident de dire que le mur qui a été érigé entre deux, à frais communs par exemple, est mitoyen et qu'il fait la limite entre eux. C'est une convention qu'ils signent entre eux, qu'ils font agrémenté d'un petit croquis éventuellement. On en voit très rarement circuler, mais ça arrive une fois de temps en temps qu'on voit ce genre de document établi. Il n'est opposable qu'aux deux seules parties signataires, mais ce document a le mérite d'exister, donc on en tient compte dans une délimitation, tout à fait. Donc ça, oui, ok. Ça a une valeur. Ça a une valeur, c'est ça. Ça a une valeur. Ouais. Je prétends pas que ce soit opposable aux parties qui suivront, aux propriétaires successifs, mais il n'en demeure pas moins que ce document existe, qu'il a une valeur parce qu'il a été signé par deux parties, dans le cadre d'une démarche amiable entre deux riverains. On doit en tenir compte lors d'une délimitation, tout à fait. Donc ça doit être signé, daté signé, c'est ça? Voilà, tout à fait. Ouais. Et si possible, décrit le plus précisément l'objet de la délimitation. Maintenant, pour sécuriser la chose et la propriété, faites appel à votre géomètre expert, ce sera quand même un peu plus, un peu plus pragmatique et rationnel. Pour éviter les problèmes. Cyril Veller, Jean-Paul Constantin du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement sont les experts sur la première. Jusqu'à 10h, nous irons retrouver Jackie de Saint-Denis. Première, grand matin. Je suis pas la route depuis 4h30, bien entendu, des Maurice. La journée, les doux. Je voulais comme maman ici, c'était notre moment quand il réveille le matin. Dès qu'il lève, il aura de réunion première tout de suite. Il donne à l'envie de travailler, ma tout, il crase le doigt où j'en remplis. Oui. Bon courage et continue comme ça. Grand matin. Toujours, toujours, toujours. Sur réunion première. Première. 8h. 10h. Allô, première. Claude Montané. Jackie, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, Jackie. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe chez vous? Moi, j'ai juste une petite question à poser pour un droit de passage. Comment faire? Parce que j'en ai un, mais comme il y a des conflits entre les voisins, donc là, je suis en attente d'un autre droit de passage. Comment faire pour accélérer les choses? Parce que là, j'ai vu ma mairie, j'ai vu tout. Oui. Les organismes concernés, mais j'attends, mais j'attendrai, comme dit le Jabrel, c'est loin, donc il m'en faut que je passe. Provisoirement, je garde ma voiture sur la route, donc... j'attends pour voir comment je peux faire. Ouais. Vous le prenez avec le sourire, mais si ça continue, vous risquez d'être un peu agacé. Peut-être arrêter aussi. Mais bon, je vais arriver là. Mais bon. Cyril Vélan. Alors, les servitudes de passage, les servitudes en général sont de... Voilà, les servitudes de passage, j'ai fait un courrier là-dessus. Les servitudes sont de deux types, elles sont soit conventionnelles, soit légales. Si elles sont conventionnelles, ça veut dire qu'il y a une convention qui a été passée entre deux parties, deux propriétaires d'un fonds dominant, d'un fonds servant, et qui conviennent que pour desservir une propriété enclavée, ce propriétaire passera sur la parcelle devant qui lui permet l'accès. Ça, c'est conventionnel, c'est acté dans un acte, et puis tout se passe bien à partir du moment où on respecte les modalités d'application de cette servitude. Toutefois, si vous êtes véritablement enclavé, si votre parcelle est vraiment enclavée, vous ne pouvez pas jouir normalement de votre propriété, une servitude légale doit être mise en place. C'est-à-dire que le tribunal d'instance peut rapidement, sur la base d'un plan expertal quand même, définir une servitude qui desservira votre parcelle de la façon la moins dommageable au chemin le plus court. C'est des termes du code civil, de façon à ce que vous puissiez avoir accès à votre propriété. Maintenant, avant d'entendre, je pense que vous êtes déjà plus ou moins en tractation, en négociation avec des riverains pour un autre accès. Non, en fin de compte, j'ai vu l'équipe qui sont concernées de ça, mais j'attends un droit de chez eux, parce que le passage passe sur un terrain communal. Les terrains communaux, donc c'est libre, il n'y a rien, il n'y a pas d'accès. Mais moi, comme j'ai un souci avec les autres personnes, j'ai demandé de faire une ouverture sur un autre passage, comme vous avez dit. Mais moi, j'attends éventuellement qu'ils me donnent ce droit-là. Parce que je ne sais pas où je vais passer sinon. Parce que là, provisoirement, je suis sur un petit portail et ma voiture est garée devant sur la route et je passe par ce petit portail-là. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Non. J'ai fait un accès déjà pour que je pourrai plus tard faire entrer ma voiture, faire un passage, quoi. Voilà. Jean-Paul Constantin, oui. Votre analyse? Oui, en fait, il faut que l'accès, chaque parcelle doit avoir un accès suffisant pour être desservie normalement depuis une voie publique. Voilà. Et le minimum, c'est 3,50 m, mais ça peut être beaucoup plus. C'est beaucoup, là. Ça peut être plus si vous avez, par exemple, des virages. Et les camions, il faut qu'ils puissent passer dans les virages. Donc, il y a des surlargeurs à appliquer, etc., etc. Il y a des pentes maximales à respecter pour que les camions de pompiers ne... passe en marche avant et pas... C'est particulier, ça, c'est privé, monsieur. Il n'y a pas à dire... Non, mais... Ah non, non, non, bah, attendez, je suis bien d'accord. Mais c'est le problème, même si c'est privé. Tout à fait. Habité, ouais, mais, non, non, mais attendez, mais Jackie, attention. Mais même si c'est privé, ça ne, il n'empêche que vous avez droit à un accès suffisant. Voilà, tout à fait, voilà. Il faut que les caractéristiques de la servitude permettent un accès et un usage normal de la propriété qu'elle décède. Oui, oui. Donc si vous étiez agriculteur, 3,50 m ne serait pas suffisant parce que vous avez des engins aujourd'hui qui peuvent faire qui peuvent être beaucoup plus larges par exemple. Donc je suis pas planteur ni agriculteur. Non non voilà mais c'est un exemple. Sachez simplement que la servitude doit être dimensionnée comme des bons citoyens quoi, je veux dire moi aujourd'hui je ne suis pas en conflit de personne mais les conflits qui ont entre voisins et moi c'est parce qu'ils veulent que c'est comme ça. Moi je préfère pas arriver à là, je préfère faire les mettre les papiers dans les mains des personnes concernées. C'est pour ça que aujourd'hui, j'attends l'avis favorable des personnes-là. Et moi, je vois que ça traîne. Et moi, comme je l'ai pris mes devants, j'ai fait déjà un accès piéton avec un petit portail pour que j'ai déjà un accès à pied déjà passé, moi, ma compagne et mes enfants. Vous voyez ce que je dis ? Aujourd'hui, un passage, je n'ai pas cherché c'était quoi, mais j'attends qu'il fasse le nécessaire parce qu'un droit de passage, vu comme c'est un terrain communal, plus tard, s'ils ont des projets à faire, moi, ça ne me dérange pas. Ils vont casser, refaire autre chose ou bien ils ont déjà un accès pour passer. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, nous, citoyens, les personnes qui s'occupent des droits comme ça, je ne sais pas, s'il faut les payer, ils vont les payer. Je ne sais pas. Aujourd'hui, il y a tellement de lois qui sont appliquées que nous, en tant que créoles rayonnés, puissants, aujourd'hui, on marche sur les papiers. Donc, on attend les papiers, mais ça traîne, quoi. Monsieur, si je peux vous donner un conseil, Cyril Vellan, si je peux vous donner un conseil, faites appel à un géomètre expert que vous connaissez. Si vous n'en connaissez pas, enseignez-moi, vous en trouverez. Il est tout à fait dans les compétences d'un géomètre expert de réunir les parties concernées par ce problème, comme pour un bornage, de les réunir et de définir en accord avec chacune d'elles la meilleure façon d'accéder à votre parcelle, d'établir un plan de servitude, un projet de servitude, avec lequel vous irez ensuite chez le notaire et vous acterez officiellement cette servitude. Jackie, merci beaucoup, on va aller très vite, mais rapprochez-vous d'un géomètre. Et puis courage dans vos démarches, il est 9h50. Il est 9h50, il reste 5 minutes pour joindre Brandon au 02 62 99 2000. Et nous sommes alors attendez que je regarde, donc du côté de Saint-Paul avec Gaëlle. 8h, 10h. Allô première, Claude Montané. Gaëlle, bonjour. Bonjour, je vous appelle moi parce qu'on a construit il y a 2 ans et nos voisins, ils ont décaissé il y a très longtemps de 4 mètres de haut sur 21 mètres de long et en fait ils ne veulent pas payer le mur de soutènement. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'il y avait comme loi pour savoir qui était responsable de ce mur en fait. Et quelle solution pour qu'on puisse récupérer la partie de notre terrain qui s'est aussi effondrée. Alors, 4 mètres de haut et sur 21 mètres de long. De long. La question, c'est votre terrain, c'est le terrain du dessus. Du dessus, tout à fait. D'accord. Et c'est donc en fait, il a décaissé et vous ne pouvez plus jouir normalement de votre parcelle. Donc en fait. Exactement. Il faut le faire constater, etc. Et puis voilà quoi. C'est lui qui devrait vous dédommager pour le mur de soutènement que vous devriez faire, parce qu'en fait, vous devez aussi vous faire quelque chose. Il faut que vous agissiez. S'il veut pas agir, vous faites le mur de soutènement, ça stabilise au moins la situation, quitte après à faire un procès pour rentrer dans vos fonds. Mais au moins, il faut agir rapidement. Et d'une part, et d'autre part, là, je parle sous l'expertise du géomètre expert, il vaut mieux, enfin, le mur de soutènement est réputé appartenir au fonds soutenu. Tout à fait. Voilà, donc en fait, il vaut mieux que ce soit votre mur de soutènement. Le mur de Gaëlle, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Il vaut mieux. Donc c'est pour ça que je vous invite, moi, à faire la chose suivante. Vous faites le mur de soutènement à votre convenance, c'est-à-dire si jamais vous envisagez de surcharger votre terrain, vous pouvez le faire un peu plus gros que nécessaire, etc. etc. Mm-hmm. Et ensuite, rentrez dans vos fonds en faisant une action en justice ou autre chose, ou à l'amiable, c'est toujours mieux à l'amiable. Hein. Oui, mais visiblement, ça fait 20 ans que l'amabilité ne fonctionne pas vraiment. Exactement. Mais vos relations sont tendues avec la personne ? Ben, comme on a commencé à en parler, oui, en fait, ça commence à être tendu, oui. Ce qui est sûr, c'est que votre voisin a décapé, a retiré 4 mètres de terrain naturel. Il a modifié l'aspect et le terrain naturel, donc on ne peut pas laisser ça comme ça. Si effectivement, je rejoins absolument ce que dit M. Constant, le mur de soutènement, il est vraiment préférable qu'il soit la propriété des terres qu'il soutient. Donc, en l'occurrence, votre terrain à vous. Il n'en demeure pas moins que le terrain naturel a été modifié par votre riverain. Donc, soit vous le faites et vous demandez ensuite qu'il participe, soit vous le faites ensemble, quitte même à le définir comme étant mitoyen, pourquoi pas. Mais en tout cas, assurez-vous que vous puissiez avoir quand même une maîtrise de ce mur qui va soutenir vos terres. Parce qu'une fois qu'il sera fait, c'est vos terres qui vont appuyer sur ce mur. Il ne faudrait pas qu'il se dégrade, qu'il soit mal fait, et puis que du coup, ce soit le terrain en dessous qui en subisse les nuisances. On va la gueule. D'accord. Très bien. Mettez toutes les chances de votre côté, d'accord ? Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Direction Saint-Louis, dans le sud, avec Nicole. Bonjour, Nicole. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je serai assez rapide. J'avais donné un droit de passage à mon voisin quand j'ai acheté ma maison, mais il n'est pas enclavé. Il a un autre accès avec un chemin pour passer les camions et tout ce qu'il faut. Éventuellement, je risque de vendre ma maison pour retourner en métropole à cause de problèmes de santé de mon fils. Et donc, je me demande si le nouvel acquéreur serait obligé de conserver ce droit de passage qui était contractuel signé chez le notaire. La question est simple. Cette servitude a été conventionnée. C'est une servitude conventionnelle qui a été actée chez le notaire. Oui. Elle fait partie maintenant de la propriété. C'est un droit accessoire à la propriété de votre voisin. Sauf à ce que les deux parties dénoncent cette convention qui a été mise en place. L'acquéreur de la propriété que vous allez vendre subira, entre guillemets, cette servitude qui est conventionnée. D'accord. Il faudrait que le monsieur qui n'est pas enclavé soit d'accord pour se désister de ce droit de passage. Sinon, c'est toujours valable. Tout à fait. Si les deux parties sont d'accord pour déconventionner, excusez-moi le terme, cette servitude qui a été actée, pourquoi pas. Mais faites-le par devant notaire. Oui, d'accord. Bien, je vous remercie. Merci. Au revoir. Merci Nicole. Merci à Cyril Vélan, président de l'Ordre des géomètres experts. Merci également à Jean-Paul Constantin du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. À bientôt sur Merci la première, messieurs. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Nous sommes sur Saint-Denis. Prisca, bonjour. Bonjour Claude, bienvenue ici à Sainte-Clotilde. Alors, je vous donne quelques précisions sur le lieu, puisque dans un instant, il y a un panier garni à gagner. Nous sommes juste derrière l'église de Sainte-Clotilde, dans ce bazar de proximité. Et ce matin, nous avons parlé du gâteau pomme de terre. Vous savez, Claude, il y a mille et une façons de cuisiner la pomme de terre. Et cette recette a été suggérée par Yannick qui travaille ici dans ce bazar de proximité. N'est-ce pas, Sabrina ? Bonjour. Bonjour, La Réunion. Donc, c'est votre collègue, Yannick ? Oui. Il a des recettes un petit peu improbables. On va dire, puisque le gâteau de pommes de terre. Mais vous me disiez tout à l'heure que vous aviez déjà vu cette recette dans un livre. Oui, dans un livre que j'ai chez moi. Donc, vous avez déjà préparé, vous, le gâteau de patates, de pommes de terre ? Non, plutôt gâteau patate, moi, pas trop pommes de terre. Ça se prépare pareil, c'est la même base. Oui, c'est la même base. C'est, après, la recette que j'ai chez moi dans le livre, c'est plutôt métropolitain. Donc, après, vous savez, c'est pas la nisette qu'ils mettent. Non, donc, ils mettent un zeste d'orange. D'orange ou de citron pour parfumer le gâteau. Voilà. Mais moi, ce serait plus la base du gâteau patate, donc anisette, œufs, beurre. Etc. C'est à tester en tout cas. Voilà. À tester le gâteau de pommes de terre, d'autant plus qu'en ce moment, vous allez pouvoir retrouver des pommes de terre pays sur les étals avec les bazardiers de La Réunion. Bon, ça coûte entre 2 euros, voire 2,50 euros le kilo de pommes de terre, c'est ça, Fabrina ? Oui, c'est ça. Et donc, il y a la rose et la blanche. Voilà. Tous les deux ont le même goût ? Non. Alors, la blanche, elle est plus farineuse, on va dire, plus... pour les purées, etc., les frites. Et après, vous avez la rose qui est plus ferme. En général, je pense que c'est plus pour les pommes de terre farcies, oui. Ce genre de trucs-là. Allez, sortez vos recettes et venez nous rejoindre ici, à Sainte-Côté, dans ce bazar de proximité, avec ce mot de passe, gâteau de pommes de terre avec Réunion Première, et vous repartirez avec un panier garni, et notamment Yannick l'a confectionné ce matin avec amour. Hein. Il y a rajouté au moins 1 kilo de pommes de terre, comme ça vous allez pouvoir le tester à la maison. Bonne chance, à tout à l'heure. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. C'est où que m'y veut, c'est signé Kaf Malbar sur la première. Gare, c'est où que m'y veut, n'y connaît mi n'a pi le choix, bon dieu, il donnera pi moi le choix. M'y veut, de vendre, c'est où que m'y veut, de vendre, c'est où que m'y veut, de vendre, c'est où que m'y veut, de vendre, c'est où que m'y veut. Je l'ai su tout au début, la première fois que je t'ai vu. J'ai compris que t'as été créé pour moi. Dédicacé par Almighty, je ne peux plus défiler. Même sans rendez-vous, c'est où que m'y vais. N'y fais pas laisse à où passer. Devant moi, c'est où que m'y vais. Je veux de l'amour et spécialement la tienne. J'aimerais que tu sois la mienne. Ce n'est pas un secret que je suis fan de toi. Comme une fleur pour toi, mon cœur se fasse. C'est ainsi, c'est ainsi. Je t'attends, c'est ainsi. Je souhaite que tu sois ma princesse. Que tu me montres le righteousness. Pour moi, vivre, c'est avec ou évoluer avec ou comment c'est fini avec ou reste avec tout ton bon Dieu. Ma prière, ma louer, ma demander. Qui nous dit reste ensemble pour la vie. Mal à choisir à ou et disparaître ma rode à ou. Mon bon sentiment, moi les oh. M'y aimerait les votes et même niveau. Je veux de l'amour et spécialement la tienne. J'aimerais que tu sois la mienne. Ce n'est pas un secret que je suis fan de toi. Comme une fleur pour toi, mon cœur se passe. C'est ainsi, c'est ainsi. Je t'attends, c'est ainsi. Je souhaite que tu sois ma princesse. Que tu me montres le righteousness. Tantôt, oh oh. Quand nous sera si même niveau, oh oh. Nous va battre carré. C'est où que m'y veut, signé Kaf Malbar sur la première. Lionel Olivier, c'est encore mieux en première. Bonjour Lionel. Bonjour Claude, bonjour à toutes et à tous. Au menu de l'émission. On va regarder dans 20 petites minutes avec la rediffusion de Radio Novella, avec tous les personnages de Radio Novella, et puis on aura l'occasion de faire gagner les places de cinéma. Il est 10h, le journal de France Info. De communes françaises, certains ont tout perdu. Nous serons dans un instant auprès des habitants de Nemours, en Seine-et-Marne. Nous irons aussi au ministère de l'Intérieur, où se tient ce matin une réunion de crise. La grève à la SNCF sera-t-elle terminée pour le coup d'envoi de l'Euro de football? C'est le 6e jour consécutif aujourd'hui et c'est la dernière séance de négociation sur l'accord d'entreprise. L'Euro, c'est donc dans 5 jours. France-Roumanie, premier match vendredi. Et les Bleus, vous l'entendrez, ont des fourmis dans les jambes. France Info. La Seine et ses affluents, encore sous surveillance, mais le niveau baisse et le risque d'inondation surtout s'éloigne. Ouais, les habitants des centaines de communes touchées découvrent petit à petit les dégâts et ils sont souvent considérables, comme à Nemours, en Seine-et-Marne, où vous vous trouvez pour France Info, Gaël Joly. Gaël, vous êtes avec un commerçant totalement désemparé par ce qu'il a trouvé en rentrant chez lui. Oui, ce matin, il reste encore un peu de boue sur le carrelage tout neuf de la brasserie du Champ de Mars dans le centre-ville de Nemours, le long du Loing. La rivière a tout emporté, y compris la belle surprise que Jean-Philippe avait préparée à ses clients, une salle toute neuve pour l'Euro 2016. On avait refait toute la salle avec toute la terrasse derrière pour accueillir la Coupe d'Europe. Donc il y avait des écrans tout neufs qui n'étaient pas encore posés, qui étaient posés par terre, qui sont partis à la poubelle. Des écrans de télévision? Ouais. Ah non, mais j'ai vraiment plus rien. Car Jean-Philippe n'a pas seulement perdu son bar, sa maison, pas très loin, a été dévastée par les eaux. Ses deux voitures noyées dans le garage. Alors, si l'argent des assurances n'arrive pas vite, il risque de mettre la clé sous la porte. C'est très très dur psychologiquement. Et les assurances, pour l'instant, c'en est où? Donc on attend les espères. Les espères vont être débordés. Donc, faut patienter. Vous savez ce que vous avez perdu là, maintenant? 12 ans de ma vie. Mais là, grosso modo, comme ça, il y a peut-être, je sais pas, j'ai au moins 200-250 000 euros. Là, j'en ai pour au moins 2-3 mois, minimum. Pour autant, vendredi soir, Jean-Philippe ne ratera pour rien au monde le match d'ouverture de l'Euro France-Roumanie chez des amis, car chez lui aussi, la télé a été emportée par les flots. Gaëlle Joly avec Jean-Marie Porcher, envoyé spécial de France Info à Nemours, en Seine-et-Marne. Au total, le coût de ces inondations pourrait donc dépasser le milliard d'euros d'après les premières estimations des assureurs. La question des indemnisations, justement, sera au cœur d'une nouvelle réunion de crise ce matin au ministère de l'Intérieur. Julie-Marie Lecomte, bonjour, vous êtes place Beauvau. Les ministres concernés se retrouvent donc autour de Manuel Valls. Oui, pas moins de 9 ministres réunis autour du Premier ministre, à commencer par Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, mais également Michel Sapin et Emmanuel Macron pour l'économie et les finances, Stéphane Le Foll, puisque des exploitations agricoles ont été sévèrement touchées, ou encore Juliette Méadel, secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes. Il s'agit de faire un bilan complet de la situation. Quels sont les secteurs toujours à risque? Quelles perturbations y a-t-il encore dans les transports, à la SNCF et à la RATP? Le réseau électrique souffre-t-il encore? Comment accompagner le retour à la normale, là où la décrue est amorcée? Bernard Spitz, le président de l'Association française de l'assurance, et là, lui aussi, vous l'avez dit, Simon, les premières évaluations laissent entrevoir un coût supérieur au milliard d'euros. Il faut trouver comment indemniser au plus vite les sinistrés, comment simplifier et accélérer les démarches. Les procédures de catastrophe naturelle doivent être mises en œuvre dès le Conseil des ministres après-demain. À l'issue de cette réunion, chaque ministre déclinera le rendez-vous dans son domaine de compétence. Manuel Valls, lui, se rend ce matin à Montargis, dans le Loiret, et notamment dans le quartier où le corps d'une sexagénaire a été découvert vendredi. Julie-Marie Lecomte, merci beaucoup. En direct du ministère de l'Intérieur avec Jean-Pierre Pernel. Une évacuation en cours à Paris, celle du campement des Jardins d'Éole dans le nord-est de la capitale. Environ 2000 migrants, des Afghans, des Soudanais, des Somaliens et des Érythréens sont installés là depuis plusieurs semaines. Des bus les emmènent vers une soixantaine de centres d'accueil répartis dans la région. 8h05 sur France Info, à la une également ce matin, ce sixième jour de grève consécutif à la SNCF et une circulation toujours perturbée. Oui, comptez si vous devez prendre le train 6 TGV sur 10, la même chose pour les TER, un intercité sur 3 et un transilien sur 2. Et cette journée est sans doute décisive pour la suite du mouvement. La direction de la SNCF et les syndicats se retrouvent dans une heure pour une dernière séance de négociation sur l'organisation du temps de travail. Et ça s'annonce tendu, Guillaume Gavenne. D'un côté, les irréductibles, CGT Cheminots et Sudrail, toujours en grève. Pour eux, c'est bien simple, l'accord proposé n'est pas au niveau. De l'autre côté, il y a l'UNSA et la CFDT qui sont sortis du conflit la semaine dernière, estimant au contraire que les discussions avaient même permis d'aller plus loin. Et comme à eux seuls, ils représentent plus des 30% nécessaires pour valider tout accord d'entreprise, sauf coup de théâtre, celui-ci sera signé. Au grand dam des irréductibles donc, au grand dam aussi du PDG. Guillaume Pépi aurait bien profité de ces négociations pour améliorer la compétitivité de la SNCF, mais le gouvernement a préféré déminer largement le terrain pour ne pas en rajouter à l'opposition à la loi travail. Du coup, on disait Guillaume Pépi sur la sellette, lâché par Matignon, jusqu'à ce que Michel Sapin le repêche hier. Il restera à la tête de la SNCF tant qu'il le souhaitera, a assuré le ministre des Finances. Il a fait un travail tout à fait considérable de modernisation de la SNCF depuis des années. Voilà qui sonne comme un retour en grâce, du moins jusqu'à la signature de l'accord. Des perturbations encore, en tout cas au moins pour aujourd'hui sur les rails, peut-être aussi bientôt dans les airs. Les pilotes d'Air France ont déposé un préavis de grève de 4 jours à partir de samedi, c'est-à-dire au lendemain du coup d'envoi de l'Euro de football. Un accident de train a fait au moins 3 morts et une quarantaine de blessés tard hier soir en Belgique. Un train de voyageurs a percuté par l'arrière un train de marchandises. Là, c'est passé sur la ligne Namur-Liège. Une date importante pour les fidèles de la deuxième religion de France. Le ramadan commence ce soir, c'est ce qu'a annoncé hier le Conseil français du culte musulman. Aux États-Unis, maintenant, le roi est mort. Vive le roi! Le roi Ali, plus grand boxeur de tous les temps. Il est rentré chez lui. La dépouille de Mohamed Ali a été rapatriée dans sa ville natale de Louisville, dans le Kentucky. Les obsèques du boxeur auront lieu vendredi et c'est toute la ville qui rend hommage à l'un des personnages les plus importants du XXe siècle. Reportage France Info de Jérôme Val. Il ne faut pas déambuler longtemps dans les rues rectilignes de Louisville pour rencontrer un habitant qui a connu de près ou de loin Mohamed Ali. La mère de Damien était à l'école avec The Greatest dans les années 50, une école pour noirs, comme l'exigeaient les lois ségrégationnistes en vigueur dans le Kentucky. He was a Muslim, I'm a Muslim too. Il était musulman et je suis musulman, explique-t-il. Il représente la ville et ce que l'homme a de meilleur. Je suis vraiment fier de tout ce qu'il a apporté de positif. De la tristesse, il y en a aussi sur sur le visage de Simone, elle a fait sa scolarité avec l'un des 9 enfants du boxeur. Je connais l'un de ses fils, raconte la jeune maman. Oui, je l'ai déjà rencontré, son fils était au collège avec moi. C'est la star de notre ville, c'est le meilleur, notamment pour la boxe. Raymond, lui, a croisé Mohamed Ali à l'université il y a une 30aine d'années. J'ai eu l'honneur de le rencontrer, alors je suis triste aujourd'hui, en même temps un peu soulagé. Il est probablement mieux où il est maintenant, après avoir été touché par la maladie toutes ces années. Tous n'iront pas vendredi aux cérémonies en hommage à Mohamed Ali, mais tous penseront très fort à celui qui est devenu un emblème de la ville. À Louisville, dans le Kentucky, Jérôme Val, France Info. France Info, radio officielle de l'Euro, vous le savez, plus que quelques jours à tenir si vous êtes fan de foot. Le match d'ouverture, ce sera vendredi soir entre l'équipe de France et la Roumanie. En attendant, les Bleus sont chez eux, à Clairefontaine, où ils ont reçu hier soir la visite du président de la République, François Hollande. Et ils n'ont qu'une hâte, que ça commence enfin, Sébastien Hazard. Ils y sont presque. Encore 5 petits jours à tenir, mais la semaine va être longue, reconnaît l'attaquant André-Pierre Gignac. Je pense qu'elle va être longue. L'ouverture de l'Euro, ça va être quelque chose de sensationnel, on en a hâte aussi. Aussi parce que les Bleus ont enchaîné en 2 ans 20 matchs amicaux, pas toujours en ballant. En juin dernier, à Elbasan, face à l'Albanie, l'un de leurs adversaires dans cet Euro, ils avaient plus la tête à leurs prochaines vacances, ça s'est vu. C'est d'ailleurs le dernier impair tricolore dans cette préparation, mais là c'est bien la compétition, la vraie, indique le défenseur Patrice Evra, impatient. Ça commence, et c'est pas parce qu'on est là les 23, c'est officiel, voilà, faut être prêt d'entrer. Franchement, on est vraiment impatient de commencer et on travaille à l'entraînement énormément pour ça. Cette saison, l'équipe de France n'a perdu qu'un match à Wembley contre l'Angleterre dans un contexte très particulier, 4 jours après les attentats de novembre. Et les Bleus ont surtout fini sur une très bonne note en s'imposant contre l'Écosse, conclut l'attaquant Dimitri Payet. C'est des matchs amicaux, mais ça reste aussi des équipes en face. Donc on l'a vu, on peut être mis en difficulté contre le Cameroun ou contre d'autres équipes. C'est bien de finir sur ça pour préparer ce rendez-vous face à la Roumanie. Focalisé sur l'événement, avec des certitudes en attaque, nettement moins en défense. Un mot encore de tennis. Novak Djokovic est devenu hier le 8e joueur de l'histoire à s'être imposé dans les 4 tournois du Grand Chelem. Il a remporté Roland-Garros pour la première fois en 4-7 en finale face à l'Écossais Andy Murray. Et puis le rugby, Clermont et Toulon qualifiés directement pour les demi-finales.